Vous avez une précieuse vie humaine, alors ne la gâchez pas. Utilisez toute votre énergie pour ouvrir votre cœur vers les autres. Ayez des pensées positives. Ne vous mettez pas en colère. Et là, vous allez tout gagner, vous verrez. Je vous souhaite le meilleur. À demain. Bye bye. S'organiser. Parmi eux, il y a beaucoup de filles, 22 fiancées. Préparer les boutons au balsarico. Un gâteau spécial qui est dans le plateau décoré. Pour servir tout le monde qui peut manger. Si pas sans, si pour le jeune d'un sarico. Mettre couronne, la tête au cavalier. Défilé fait passer dans la salle. Un les rois finis avec Solara. Bienvenue à tous. Bonjour, ça va, Isa? Michael, oui, ou même. Très bien, elle est là, elle est là. Stéphane est là aussi. On est parti, 5 heures sur la première. Le journal de la rédaction, Stéphane Ennilorac, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Magnifique, magique, splendide, rare, vous étiez des milliers à admirer l'éclipse annulaire hier un peu partout sur l'île. Réaction à suivre de lycéens dionysiens et d'un graffeur bénédictin inspiré par le croissant de soleil. Difficile d'établir un lien direct entre l'attaque de requins et la baisse d'activité des commerçants à Boucans et la vie d'un avocat alors qu'un collectif veut porter plainte contre le jeune surfeur. Plus calme, moins d'accidents, les riverains bénédictins saluent la mise en place du contrôle automatique de vitesse dans les deux sens. C'est sur la RN3 à La Confiance. Le soleil avait donc rendez-vous avec la lune hier, un rendez-vous que vous avez pu assister par milliers. Dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, les conditions n'étaient pas les mêmes partout, mais l'émerveillement, lui, était le même devant ce phénomène de la nature. Une éclipse annulaire du soleil qui a motivé les 2500 élèves du lycée Le Comte de Lille à Saint-Denis à sortir des classes pour y assister. L'établissement avait d'ailleurs tout prévu, distribution de lunettes, exposition, mais aussi ateliers culturels, artistiques et scientifiques. Écoutez quelques réactions de ces lycéens recueillies par Mélodie Nourry. Je trouvais que c'était magnifique, c'était agréable à voir. Et franchement, des occasions rares comme ça, c'est une expérience. Quoi. Vraiment, pour rien au monde, j'aurais manqué. Splendide, magnifique. Parce qu'on voit ça qu'une fois par je ne sais combien d'années. Alors l'éclipse, c'est mieux de regarder allongé? Carrément, ouais, c'est nettement mieux. Parce qu'on a une vue d'ensemble et puis c'est quand même plus agréable. C'est pas tous les jours qu'on va voir la lune passer devant le soleil et qu'on pourra l'observer, donc c'est quelque chose à vivre. D'habitude on voit le croissant de lune, là on voit le croissant de soleil maintenant. Voilà. C'est vraiment extraordinaire d'en voir une à La Réunion. C'est magnifique et on ne peut pas voir ça tous les jours. C'est juste impressionnant, c'est vraiment naturel et c'est juste magique. Et des élèves du lycée Le Comte de Lille de Saint-Denis, ravis dans les écoles maternelles et primaires. En revanche, c'était bien plus compliqué, on en parle depuis quelques jours déjà. Entre la crainte d'accident et la grève des enseignants, beaucoup d'entre elles ont préféré ne pas accueillir les marmailles hier. Le bilan de ce que l'on appelle déjà un fiasco pédagogique avec l'invité de la matinale, Didier Debals, porte-parole du SAIPER, le syndicat alternatif des instituteurs et des professeurs des écoles de La Réunion. Philippe Dornier vous donne rendez-vous à 7h15. Et puis, restez bien branchés sur Réunion Première ce midi également. Après le journal, une émission spéciale dans les coulisses de l'éclipse réalisée par Loïs Mussard. Il vous fera revivre notamment l'ambiance au village éclipse de l'étang du Gol à Saint-Louis, où plus de 4000 réunionnais avaient fait le déplacement pour observer le phénomène. Hier, un autre village était installé au stade de Saint-Benoît, mais là, beaucoup moins de monde et surtout une météo bien plus capricieuse. Le jeune graffeur Caisse était tout de même présent pour immortaliser le moment. On a toujours une recherche de modèles, de dessins, tout ça, d'images, par exemple, sur Internet et tout. Un enfant qui regarde une équipe, je veux dire, c'est une image qu'on peut trouver sur Internet. Donc voilà, je recherche une image. Et après, voilà, à moi de refaire justement la même, peut-être pas la même image, mais un peu plus artistiquement que c'est représenté sur l'image, quoi. La mairie l'a préparé un pont de mur, l'a recrépissé et peint le fond pour moi. Comme ça, aujourd'hui, m'y arrive, voilà, on a juste à faire la fresque avec les bacs, mes bombes, tout ça, quoi. Donc là où il a choisi de représenter un enfant, ce sera juste le visage de l'enfant? C'est le travail le plus dur, je le fais d'abord. Et après, il y aura tout le travail du ciel, du fond, avec justement l'éclipse en arrière-plan, le spectacle de la journée, quoi. Et qu'est-ce artiste graffeur interrogé par Johan Adama Dorassi. Nous en parlons aussi depuis hier, une décision qui risque d'en choquer plus d'un. Un collectif de commerçants de boucan devrait voir le jour et porter plainte devant une juridiction civile contre le surfeur victime de l'attaque de requin samedi dernier. Les commerçants parlent d'imprudence, une imprudence qui aurait entraîné une désaffection du site et une chute de leurs activités. Alors cette crainte est-elle recevable? La réponse de Maître Alain Antoine, avocat. En droit pur, pour engager la responsabilité civile de quelqu'un, donc du surfeur en question, ce collectif devrait démontrer, d'une part, une faute commise. Donc ce serait la mise à l'eau, malgré la flamme rouge. Deuxième chose à démontrer, il faut démontrer un préjudice certain et direct. Et troisième chose, il faut démontrer un lien de causalité entre ce préjudice et la prétendue faute commise par ce surfeur. Bon, faire admettre que ce pauvre surfeur a commis une faute, pourquoi pas? C'est vrai que le drapeau était rouge. Le préjudice allégué par ces commerçants est la baisse d'activité qu'aurait engendré cette attaque. Bon, et c'est là qu'en droit se posera le problème de la démonstration donc, du lien de causalité entre la mise à l'eau et la baisse d'activité. Moi, je vais vous répondre très simplement. Je veux dire, si vous avez des restaurants, c'est quand même de l'activité de restauration, pas des activités nautiques. Si vous avez des restaurants de qualité à boucan, requin ou pas requin, vous aurez de la clientèle. Je vois pas en quoi, je veux dire, on peut démontrer qu'il y a un lien de causalité direct. Je dis bien direct et certain. Maître Alain Antoine, joint par Nadine Bachelot. Ce qui est sûr, en tout cas dans ce drame, c'est le bilan humain. Un blessé grave, le surfeur de 21 ans, et un blessé léger, le maître nageur sauveteur qui n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour lui venir en aide. Et Bertrand Babeuf est toujours hospitalisé, mais il va mieux et a reçu des dizaines de messages d'encouragement et de prompt rétablissement. MNS depuis 4 ans, il est en contrat à durée déterminée, mais cela pourrait vite évoluer selon Jean-Marc Or. L'adjoint à la sécurité à la mairie de Saint-Paul a déjà demandé que Bertrand soit mis à l'honneur pour son geste courageux. De mon côté, j'ai demandé au maire et j'ai demandé au sous-préfet de, on va dire, une récompense que j'appelle. C'est vrai, comme j'ai dit aussi avec monsieur le sous-préfet, il a eu un grand courage parce qu'il était blessé avant d'intervenir. Donc c'est vrai, dans l'intervention, mais avant de récupérer la personne, la victime, il était déjà blessé. Il a pris son courage à deux mains, il a mis sa fonction de sauveteur et il est parti. Au secours de la victime et heureusement, il y a, sur la plage, en arrivant sur la plage, il y avait deux personnes qui l'a secouru aussi à ce moment-là. S'il faut défendre une CDIsation, je dirais oui, je défendrai en tant qu'élu une CDIsation que j'appelle récompense en termes généraux. Jean-Marc Or, adjoint à la sécurité à la mairie de Saint-Paul avec Hubert Debeu. On vous en parle aussi depuis hier, le radar automatique de la Nationale 3 à la Confiance contrôle désormais la vitesse des véhicules dans les deux sens. Alors pour éviter le flash, il ne faut donc plus ralentir uniquement en descendant vers Saint-Benoît, mais aussi en quittant la commune de l'Est. Vitesse maximale autorisée 50 km/h et les riverains en sont plutôt satisfaits. Écoutez. Je pense que depuis qu'on a installé le radar, du moins dans l'autre sens, ça s'est calmé. Ben, après avoir eu quelques accidents, je pense que les gens ont compris quand même. Il y a quand même une école pas trop loin. Donc ils ont compris qu'il fallait lever un peu le pied. Et ça, tu trouves de mon rôle vite à terrain? Ben, je ne me dirais pas trop vu qu'on a un radar. En montant, non plus. Non, pas trop. Les gens respectent un petit peu. En tant que restaurateur, il est très important la sécurité. Donc moi, les pour que le radar, il flash les deux côtés. Parce qu'il y a des gens, ils montent là en moto et en voiture, ils descendent pareil. Donc il y avait un radar au départ, tu flash que en descendant. Les gens te roulent assez vite après le radar. Et donc là, il y a à mettre en montant les super. Bien mis tout au moins. Et là, ils s'en mettent un radar dans les deux sens. Ça sera bien, comme ça va rouler plus doucement. Des propos recueillis par Henri-Claude Elma et Rodolfo Ozan. Voilà, c'est la fin de cette édition. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec France Info, Edouard Marguier. Une énorme flamme et de la fumée sur plusieurs dizaines de mètres sur le pas de tir à Cap Canaveral en Floride aux États-Unis. La fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX a explosé ce jeudi pendant un des derniers tests avant le décollage prévu samedi. C'est le lanceur de l'engin qui est en cause et il y a un an et demi, il y avait déjà eu un accident lors d'un essai pour cette même fusée. Les habitants de la Floride qui se préparent à de lourds dégâts, Hermine va souffler en début de matinée vers 8h heure française, une tempête tropicale qui est devenue un ouragan. Les vents vont souffler entre 150 et 180 km/h. Les autorités craignent notamment une montée des eaux. Finalement, la plus haute vague a atteint 30 cm en Nouvelle-Zélande, où les autorités craignaient un tsunami ce jeudi soir. Un séisme de 7 sur l'échelle de Richter a été enregistré au large du nord du pays. Il n'y a finalement eu ni dégâts ni victimes. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont dit cette nuit qu'ils sont profondément préoccupés par les violences au Gabon. Ils viennent de sortir de leur réunion à huis clos, réunion à l'initiative de la France, qui se passait au siège des Nations Unies à New York. Des affrontements et des émeutes ont éclaté mercredi dans la capitale du Gabon après la réélection du président Ali Bongo. Ces violences se sont poursuivies ce jeudi à Libreville. Les Nations Unies appellent les Gabonais à rester calme. La marque Philips va supprimer 230 emplois sur les deux derniers sites de production d'éclairage en France, dont celui de Hameau-de-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Les postes doivent être supprimés pour être délocalisés en Pologne et en Espagne. La santé de nos entreprises sera au programme pour François Hollande ce vendredi. Il est avec Angela Merkel, la chancelière allemande, aux rencontres franco-allemandes d'Evian. Les deux chefs d'État seront face à une quarantaine de patrons français et parleront économie et partenariats commerciaux. Le président de la République qui s'est donné un nouvel objectif sur l'éducation hier jeudi, il veut réformer le lycée, a-t-il dit, mais sans donner de date. Sa ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a ensuite précisé que François Hollande se projette vers l'avenir. La rentrée scolaire a concerné 12 millions d'élèves jeudi. Bernard Cazeneuve, lui, sera à Calais pour visiter à nouveau le camp de migrants avant même d'arriver dans la jungle de Calais ce vendredi. Il annonce la poursuite du démantèlement de ce camp par étapes, précise le ministre de l'Intérieur au quotidien Nord et Clair. Il propose de commencer par créer davantage de places d'hébergement en France afin de désengorger cette jungle ouverte depuis le printemps 2015. Les buteurs de la soirée, Martial, Giroud et Kurzawa. L'équipe de France de football a remporté son match amical en et contre l'Italie, 3-1. Une belle préparation en vue du premier match de qualification pour le Mondial dans 2 ans. C'est mardi prochain contre le Bélarus. Il est déjà 5h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, on se réveillera normalement sous les nuages sur la moitié est. C'est ce que nous dit en tout cas Météo France, c'est vrai, une grande moitié est de l'île, donc de Saint-Denis en passant par Sainte-Roche jusqu'à Saint-Philippe, aussi bien sur les hauts que sur le littoral, Takamaka, le volcan, Salazie seront aussi concernés par ces nuages qui pourraient nous apporter quelques averses en tout début de journée, puis c'est les nuages vont avoir tendance à se dissiper et on aura plus l'après-midi de l'autre côté. Dans l'ouest, entre Saint-Paul et Saint-Leu, sur les hauteurs, des hauteurs qui donc, se chargeront de grisailles et cette grisaille qui pourrait déborder temporairement sur le littoral. Le vent reste soutenu, 60 à 70 km/h vers Saint-Pierre encore aujourd'hui. Les plages elles bénéficieront d'un régime de brise, donc très peu de vent et température qui ne bouge pas. Hein. N'attendez pas à des folies au niveau du thermomètre. Oh d'accord. À peine 25 degrés sur le littoral, 14 au Pas-de-Belcomble et dans la petite France, et 19 degrés à Salazie. Attention, prudence, la mer est forte aujourd'hui entre Saint-Leu et Sainte-Rose. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Allez, c'est vendredi. Hello là, Agnon. Ça y est, c'est le jour d'après éclipse. La planète nous a regardé. L'éclipse est passée par la Réunion. Nous avions les yeux rivés vers le ciel. Quel beau spectacle que vous avez vécu sur Réunion Première. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cet événement sur Facebook notamment. Exact. Vous avez envoyé vos photos. Mm-hmm. Vous étiez nombreux à nous rejoindre, astronomes, scientifiques, touristes chinois, japonais. On a appris toutes les langues. Passionnés, curieux, tout. Jean-Claude Machir a essayé d'apprendre le chinois. Vous entendrez dans le zapping cet énorme moment avec des chinois. Jean-Claude Machir, ça sera avant 8h. Mais d'ici là, on reprend les bonnes habitudes, ma chère Isa. Oui, mon cher Mickaël, on est reparti. On se réveille ensemble jusqu'à 8h. On attend sur notre page Facebook vos photos de petit déjeuner. Dernier virage aujourd'hui pour tenter de repartir avec sa croisière. Il y aura le tirage au sort, donc avant 8h. Croisière sur un catamaran valable pour deux personnes. Pour ça, il suffit d'envoyer sa photo de petit déjeuner sur notre page Facebook Grand Matin. Et comme la croisière se passera dans l'Ouest et qu'on attend plutôt du beau temps dans l'Ouest ce week-end, ça pourrait être vraiment très sympa de la gagner avant 8h. Ça sera peut-être pour vous, à condition d'envoyer vos photos. Vous continuez. C'est le grand défi de Grand Matin. Et bien sûr, on vous attend aussi par message. Le 06 92 70 2000. C'est n'oubliez le nouveau pas, numéro, notez vous bien. Vous avez les petits textos. Et puis d'ici là, on va faire un petit coucou à Prisca. Bah oui. Coucou Prisca. Coucou Prisca. Coucou les amis. Comment il est? Bah écoutez, ça va, mais est-ce qu'il y aura du soleil à Saint-Denis? Parce que là, il pleut. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis aïe. En oui. direction du marché forain des Camélias. Mmh. Puis c'est vrai qu'on a suivi hier cet événement, hein, l'éclipse en direct sur Réunion Première. Mais bon, rassurez-vous, je n'ai pas croisé de loup-garou et je ne me suis pas transformée non plus. Non, je ne me suis pas transformée. Mais en vampire. Bon. Mais bon, quoi que, on verra. Vous y croyez plus alors? Vous y croyez plus, Prisca, ça non, y est, c'est fini. Si, ah, si, bah encore. Non. Ah bon. Vous savez, dans la vie, il y a l'irréel, l'irrationnel et le rationnel. Hein. Oui. Ouais. Donc, voilà, il y a des choses qui s'expliquent et il y en a d'autres qui ne s'expliquent pas. C'est moi, je dis, faut t'arrêter l'émission avec Jackie. Ouais, parce que ça te transforme. L'irréel, l'irrationnel. Ça commence juste. Aïe, aïe, aïe. Et pour ceux qui ne connaissent pas, rendez-vous tout à l'heure, entre 9h et 10h, on parle de légendes et de croyances. Ah, à tout à l'heure, Prisca. Allez, à toutes. À tout à l'heure. 8h, 10h, la colle Jacques avec Jackie Revel. À l'émission des Sinous de Terroir, Sacnouyam. Chicken live, on les confit, donne piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez vu comment la voix signifie dans le terre. Partagez vos croyances et légendes. Les gens aient parlé avant, maintenant est-ce que les vrais n'est pas vrai. La colle Jacques avec Jackie Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Première. Allez, cette fois-ci, je me lance. Juliette, dis-moi bonjour, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, Juliette. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, le 2 septembre, et aujourd'hui c'est la Sainte Ingrid. Bonne fête mesdames et mesdemoiselles. Bon, moi je vais pas vous faire languir, j'ai envie comme vous d'écouter l'horoscope de la première, on y va tout de suite. Bélier, vous allez rechercher l'imprévu et l'aventure en cette fin de semaine. Taureau, votre nature rebelle va prendre le dessus. Gémeaux, vos intérêts, qu'ils soient métaphysiques ou religieux, ne faciliteront pas votre adaptation au réel. Cancer, vous êtes réfractaire à tout lien possessif. Lion, le partage? Non, ce sera pour une autre fois. Vierge, vous allez tourner le dos à vos années folles. Balance, vous avez cerné une personne au premier regard et vous n'êtes pas prêt de changer d'avis. Scorpion, vous sauterez sur toutes les opportunités qui se présentent côté professionnel. Sagittaire, vos nerfs sont à fleur de peau. Un mot de travers et ça pourrait être la crise. Capricorne, impossible de savoir aujourd'hui ce que vous pensez. Verseau, fini les exigences farfelues, vous acceptez votre moitié si vous êtes en couple, telle qu'elle est. Poisson, pour une fois, vous vous faites passer avant les autres, et c'est tant mieux. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée à toi, Juliette. Tu merci. Tu as appelé Ingrid. Ouais. Elle m'a oublié, mais peut-être que le jour de la Saint-Michel, Michel, elle pensera à moi, c'est fin septembre, je crois. Bon, vous avez compris, un peu en avance. Le tiercé écarté quinté plus s'est couru hier et il s'est couru à Chantilly. Exactement, et pour gagner hier, il fallait jouer le 14, l'As, le 3, le 13 et le 5. 14, As, 3, 13, 5, numéro plus gagnant, 26, 92. Nous sommes vendredi, votre quinté va donc se courir en nocturne, 22h35. Le départ sera donné à Vincennes pour le prix Lampetia, 18 partants, 2850 mètres à parcourir. 4 550 000 euros dans la tirelire. Les pronostics de Pascal Maillot et du fouineur du GIR, partenaire Réunion Première, eh bien, dès que Nounora nous va donner azote. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Excellent réveil, la Réunion. Voici Didier Kergrin avec La dit l'amour. L'amour sur Première. La dit l'amour, quand ouvert être la même, quand ouvert puis aller. La dit l'amour, qu'on s'offre comme on y a pour se battre. Ah ouais, la dit l'amour, quand la pipe a la vie, quand la pipe a crevé. La dit les doux, les longues, les vraies, pareil, l'éternité. Ah ouais, ben m'aller, marauder. Peut-être moyen pour trouver la diva pour pas m'aller. Ma croix, peut-être moyen pour aimer un jour ou l'autre. Si faut m'aller, ma plaire, si faut pour y'en pour gagner, ma dégrené pour y'en pour à commencer, ma donné peut-être moyen pour gagner. Pas la diva. Ça l'amour, lui-même qui fait vivre à nous. Ouais, du-du-du-du-du-du-du-du. La dit l'amour, quand ou la pile pierre, quand ouvre pile la vie. La dit l'amour, quand ou la petite femme, la petite famille. Ah non. Où la donnée hier sera plus pareil aujourd'hui. La dit les doux, lui me laisse pas l'inico à mer non plus. Ah non, m'aller, marauder, peut-être moyen pour trouver. La dit faut pouvoir m'aller. Ma croix, peut-être moyen pour aimer un jour ou l'autre. Si faut m'aller, ma plaire, si faut pour rien vous gagner, ma dégrainer pour rien vous à commencer, ma donner peut-être ma rien vous gagner. Parce la vie, ça l'amour, lui-même pour faire vivre à nous. La vie, ça l'amour. Au goût soyez à la Réunion, là, à 5h21. Excellent début de journée avec Didier Kergrin, l'a dit l'amour. Ah oui, au lieu du l'a dit la fée, le l'a dit l'amour. Eh c'est bah mieux oui. Quand même, non? C'est beaucoup plus agréable. Moi, je suis d'accord. En effet, nous sommes le vendredi 2 septembre. C'est le jour d'après, cet événement international. Ah oui, yes. L'éclipse. Et si on retraçait la journée d'hier un peu sur Twitter. Alors, nombreuses photos avec vos amis, votre famille, vos collègues avec vos lunettes ou sans. Quoique c'était pas sur la photo qu'il fallait les mettre, hein, les lunettes, on est bien d'accord. La Réunion était le point de vue idéal pour observer l'éclipse, événement exceptionnel, comme l'a tweeté Libération. 115 ans que ça n'était pas arrivé. Ah. Mais le tout dans la cacophonie. Bon, il n'y avait pas de danger extrême, et pourtant, certains responsables politiques ont fermé les écoles, prétextant que l'éclipse, qui a eu lieu à l'heure de la pause déjeuner, n'aurait pas été prise en charge par les profs. Mais les personnels communaux pas formés à l'exercice, certaines écoles ont trouvé des arrangements, en décalant la pause déjeuner, en vain, les profs se sont mis en grève, privant les élèves du spectacle. Tout le monde se rejette la responsabilité, tandis que d'autres ont quand même permis aux jeunes marmailles de voir l'éclipse. Et oui, beaucoup l'ont vu. ce spectacle. Beaucoup l'ont vu. Olivier Lascar, par exemple, a tweeté « On vient à La Réunion depuis la Chine pour voir l'éclipse. Les classes de collège ont observé l'éclipse. Ouais. » Témoin, par exemple, le collège Simon Lucas de l'Étang Salé qui a mesuré, enfin, ses élèves ont mesuré la baisse de température au moment où le soleil a caché la Lune. Ah. Et figurez-vous que ça a baissé de quelques degrés. Hein, quand même, hein, au moment. Vous avez ressenti un peu de fraîcheur, non, Isa? Non, mais par contre, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup moins de lumière. Quand même. Oui, c'est vrai. Honnête, c'est vrai. Alors, c'était pas la nuit non plus, mais il y avait un peu d'obscurité. Oui. On est d'accord. Un spectacle dont chacun a sa propre image. L'Adil a fait La Réunion, a tweeté « L'éclipse y ressemble phare BMW ». C'est un signe, ça, non? Bon, chacun aura vu ses propres phares. Oui, comme quoi chacun y voit son bon signe, vous allez voir. Avec son budget aussi. Certains ont peut-être vu des phares Dacia, d'autres Peugeot ou d'autres car jaunes, tout simplement. Bon, tout le monde, oui, vraiment tout le monde, suivez l'éclipse en live sur Internet. Oui. Sébastien Follin a tweeté « Comme si on y était, magique ». Ah oui, donc on salue Sébastien d'ailleurs. Bah oui. Le gamer Fantasio lui rappelle, Fantasio est très connu hein, de ceux qui jouent aux jeux vidéo, rappelle avec humour que la fin du monde est proche, référence à toutes les croyances. Éclipse solaire en cours à La Réunion, le châtiment, le châtiment. Bon, il n'a pas eu lieu. Et finalement, ce heureusement. Et finalement, ce sont les absents qui avaient tort. Comme le dit Ange, je rate l'éclipse solaire à La Réunion. Et je crois que la prochaine, je serai pas là non plus, car c'est seulement dans 250 ans. Enfin, 184 ans, exactement. Mais enfin, on sera déjà dans une autre vie. Elle a raison. Normalement. Hein. Mais enfin, sinon, on peut se consoler avec d'autres choses. Il y a plein de jolis phénomènes à voir. Alors, t'as trouvé des choses, oui. Par exemple. Et des choses qui reviennent tous les ans. Donc, si tu veux, il n'y a pas besoin d'attendre tous les 100 ans. Si tu en as raté un, c'est foutu. Ouais. Par exemple, un jour, quand Ange sera grand ou grande, eh bien, pourrait faire un petit tour au Chili, dans le désert d'Atacama. Pourquoi là-bas? Qu'est-ce qu'on voit dans le désert d'Atacama? Eh bien, en fait, c'est un désert. Donc, jusqu'ici, t'imagines l'idée d'un désert? Ouais, bah, désert avec du sable. Du sable, etc. Peut-être un oasis au milieu, ça dépend. Sauf que là-bas, dans ce désert de Atacama, eh bien, il se produit parfois lorsque les conditions météo, tout ça le permettent, c'est-à-dire souvent au moins une fois par an, eh bien, ce grand désert est totalement recouvert de fleurs. Non. Toutes qualités espèces. Comment c'est possible? Tout ça parce qu'il y a des milliers de graines qui sont apportées par les insectes, par les oiseaux, à cet endroit les précis. Scorpions, etc. C'est énorme, dans ça. Ce désert. Et quand à un moment donné, nana, suffisamment la pluie, suffisamment de soleil, etc., eh bien tout ça devient un immense jardin. C'est sur des kilomètres que ça se passe. Ah oui, quand même. On va la regarder sur Internet. Avec Isabelle, c'est Discovery Channel hein, tous les matins. Vous apprenez des choses, on découvre le monde. Bon, sinon. Bon. Si je préfère un truc un peu plus fun, tu vois, qui pète un peu plus, il faut aller faire un tour au Venezuela, là-bas. Alors au Venezuela, à peu près 140 nuits dans l'année, il y a ce que l'on appelle la foudre de Catatumbo. C'est-à-dire que là-bas, quand il y a la foudre, eh ben, ça déconne pas, mon gars. 280 éclairs par heure, ce pendant 10 heures dans la nuit. Donc 280 coups de foudre. Comme ça, 140 jours par an? Par heure pendant 10 heures. Voilà, 140 nuits. 140 nuits? C'est pas mal quand même. Ah oui, c'est énorme. Bon, ben voilà. À un endroit précis là aussi. Voilà, pareil. C'est dans ce petit coin au Venezuela. Du Venezuela. Et alors vous irez voir, c'est le ciel est éclairé, c'est absolument hallucinant. Sinon, si on. Allez, au pays des bisounours. Allez, allons-y. Allez, la mer phosphorescente vous emmène faire un petit tour aux Maldives. Aux Maldives, c'est magnifique. Où il y a plein d'espèces de petits phytoplanctons là-bas qui sont connus pour. Ils viennent comme ça sur le bord de la mer. Et du coup. Eh bien, ils produisent organiquement de la lumière. Ils sont sur le sable par la marée et leur énergie, ça fait de la lumière. Ce qui fait que sur des kilomètres, tu peux voir de la lumière bleue, rose, rouge, comme des LED, comme le sapin de Noël. Sauf que c'est pas Noël et on est aux Maldives. Voilà, quoi. Pour ceux qui ont raté l'éclipse, il y a des jolies choses. Il y a des choses à voir dans le monde. Bah, oui. Et même à La Réunion, tout simplement. Une éruption du volcan, par exemple. Bah oui, faut pas chercher plus loin. C'est magnifique, hein. Voilà. Non, il y a le catamaran, Ange. Oui. Si tu veux y aller, tu postes la photo de ton petit déjeuner sur Facebook. Tirage au sort avant 8h et peut-être que tu repars avec la personne de ton choix. Avec croisière et découverte une après-midi sur un bateau. Passion. C'est peut-être pour vous. Après Zoulou, la métisse, bon réveil. Comment elle lit elle dans moi, l'eau elle la place, c'est un rassurant. Comment moi m'est-il danser, Vous êtes bien dans Grand Matin avec Zoulou, la métisse, sur Première. Il est 5h30. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. La Réunion tournée vers le ciel hier, le spectacle de l'éclipse annulaire du soleil a été suivi d'un peu partout sous un ciel dégagé à Saint-Louis. Les conditions étaient optimales avec les nuages dans l'est et le sud sauvage, de l'émerveillement, de la curiosité, la fête. Voilà ce que vous entendrez dans ce journal. Un garagiste risque 3 ans de prison. Il a escroqué plus de 30 personnes dans le sud. Il était devant le tribunal à Saint-Pierre hier. Et puis une plainte au civil contre le surfeur attaqué à Boucan-Canot. Un collectif de restaurateurs y pense sérieusement. Explication dans ce journal. 4000 personnes, voire plus, hier au Gol à Saint-Louis pour observer l'éclipse annulaire du soleil. Le ciel était dégagé. Il a permis de voir l'ensemble du phénomène. À 14h09, il ne restait du soleil qu'un anneau tout fin avant que des croissants de plus en plus larges réapparaissent. Au Gol, donc, l'observation était optimale, mais un peu partout, on s'est arrêté au bord des routes, sur la plage, sur les points de rendez-vous ou sur son balcon pour profiter du spectacle. À l'IUT de Saint-Pierre, l'éclipse a animé les journées d'intégration organisées pour les élèves de première année. L'association Sciences Réunion a porté son concours pour l'aspect scientifique. Le jeudi après-midi est souvent consacré au projet. L'UIT, eh bien, l'éclipse tombait plutôt bien. Le reportage festif, vous allez l'entendre, de Sophie Persson. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas en boîte de nuit, mais à l'IUT de Saint-Pierre, et l'observation de l'éclipse a été baptisée l'éclipse party, une volonté festive donc, Richard Lorion, le directeur de l'IUT. Faire profiter à nos étudiants de l'instant, puis d'associer ça à un moment festif, ça permet à l'ensemble de la communauté IUT de se retrouver et puis de partager cet instant très particulier. Guillaume Elama a participé à l'organisation et satisfaction pour cet étudiant en deuxième année de DUT Réseau et Télécommunication. Oui, je suis quand même assez content parce que les gens participent malgré tout. On voit bien que même si tout l'IUT n'est pas là, il y a quand même la grosse majorité de l'IUT qui est venue. Des élèves de la section gestion des entreprises et administration ont aussi travaillé sur ce projet. Communication, distribution des lunettes, mais aussi sensibilisation auprès des étudiants. Sur Facebook, on a beaucoup sensibilisé les personnes. On a mis des messages pour informer qu'il y aurait une petite fête, des choses comme ça. C'est une belle expérience quand même. Pas besoin de montre pour savoir si l'éclipse est arrivé à son maximum. Et comme beaucoup, ces deux étudiants ont bien profité de l'éclipse party. Je suis descendu manger chez moi ce midi et bah, je suis remonté exprès là pour l'éclipse quoi. Non, c'est au top. Un reportage de Sophie Persson à Saint-Benoît. La mairie avait organisé une manifestation Bon Enfant avec distribution de lunettes, atelier des petits débrouillards, explication du phénomène par un élu, Henri Chantef, ancien professeur de sciences. La météo a été plutôt capricieuse, ciel bleu et grand soleil le matin, et puis nuages parfois bien épais au moment de l'éclipse. Cela n'a pas découragé les personnes réunies pour l'observation. Aurélie et Pascal ont emmené leurs deux petits garçons, Maël, 5 ans, et Kélian, 3 ans, une façon pour eux d'accompagner l'apprentissage scolaire de leur enfant. Regardez. N'oubliez pas vos lunettes surtout. Regardez surtout pas à l'œil nu. C'est vraiment en l'air. Deux. En l'air, tout en l'air. En l'air. Alors, Maël, qu'est-ce que tu vois ? Je vois le soleil. Le soleil, qu'est-ce qui se passe ? Il va se cacher derrière la lune. D'accord, est-ce qu'il est gros ? Lequel est plus gros ? Le soleil ou la lune ? Le soleil. Tu es sûr ? Oui. Soleil. Tu es content ? Oui. Pas trop chouette. Hop, attends. On n'enlève pas. Voilà. Alors les yeux, ça va ? Oui. Très précautionneux, vous êtes avec les enfants, vous expliquez bien et tout. Si, j'ai consulté en fin de compte les enfants pour savoir ce qu'ils avaient appris à l'école. Et en fonction de ça, on adaptait l'information à eux et posait des questions. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais une certaine réticence. Mais après, je me suis dit, si je suis présent et que... on est à un lieu où on peut les mettre à l'abri et tout ça, pourquoi pas, en fin de compte, les épanouir aussi. C'est important pour vous de faire vivre ça à vos enfants vous-même ? Bien sûr, parce que déjà, c'est une seule fois dans leur vie qu'ils vont le voir. Et puis, en même temps, ça leur apprend énormément de choses. Ce qui est l'astronomie, la science surtout, c'est vrai que c'est important. Un reportage de Johanna Damadorassi. Voilà des parents qui ont regardé l'éclipse avec leurs enfants. Hier, ils étaient nombreux à ne pas avoir classe suite à un appel à la grève de deux syndicats d'enseignants. On y revient ce matin, Didier Debals, le porte-parole du SAIPER, le syndicat alternatif des instituteurs et des professeurs des écoles de La Réunion, sera l'invité de la matinale. Il répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. 5h35 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Dans l'actualité également, cette possible condamnation à 3 ans de prison ferme pour un garagiste du Sud. C'est ce qu'a requis le tribunal de Saint-Pierre hier, ainsi qu'une interdiction de gérer une société et interdiction d'exercer la profession de garagiste. Dominique Dejean a 50 ans. Hier, il était donc au tribunal pour répondre d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de tromperie. En faillite personnelle après la liquidation judiciaire de ces deux sociétés, avec un passif de 593 000 euros, il a détourné une partie du matériel qu'il a ensuite utilisé pour ouvrir une société de vente de pièces détachées. Il a également continué son activité de garagiste au noir. Ce qui lui était aussi reproché hier, c'est d'avoir trompé une trentaine de clients en leur faisant croire qu'ils changeaient le moteur de leur voiture alors qu'ils remontaient le même moteur après un nettoyage qui donnait l'aspect du neuf. À l'annonce du jugement, son avocat, maître Guillaume Albon, a trouvé la peine exagérée. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a des faits qui sont reconnus, qui méritent une sanction. Nous, on ne conteste pas ça, mais il y a quand même une peine qui est beaucoup trop sévère et qui est le reflet finalement d'un dossier qui a été un peu, on va dire, exagéré. Exagéré parce que c'est vrai qu'au début, quand l'enquête commence, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, mais ensuite, il ne faut pas non plus nécessairement essayer de faire rentrer toutes les doléances des clients dans des catégories pénales. Et le droit civil est là pour ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qui n'ont pas pu récupérer leur véhicule, mais c'est pas une faute pénale. C'est pas de la faute de monsieur Dejean s'ils ont pas pu récupérer leur véhicule. Peine requise exagérée pour maître Guillaume Albon, interrogé par Pierre Comorassami. L'ex-compagne de Dominique Dejean, Lisette Robert, risque 18 mois de prison avec sursis. Interdiction de gérer pendant 3 ans. Elle est poursuivie pour complicité de recel de biens sociaux et travail dissimulé. Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre prochain. Les suites de l'attaque de requins à Saint-Gilles samedi dernier, un collectif de commerçants de Boucan-Canot devrait voir le jour et porter plainte devant une juridiction civile contre le surfeur victime de l'attaque. Le collectif le tient responsable de la chute de son activité. Depuis samedi, la plage est déserte. Il dénonce son imprudence qui met en péril toute la zone balnéaire. Nadine Bachelot. Cette plainte est-elle recevable ? Oui, mais encore faut-il que le caractère soit fondé. 3 critères s'imposent en civil. Démontrer la faute commise, donc en l'occurrence la mise à l'eau malgré l'interdiction. Démontrer un préjudice certain et direct. Et enfin, démontrer le lien de causalité entre le préjudice et la prétendue faute commise par le surfeur. Pour maître Alain Antoine, rendre le jeune surfeur responsable du marasme économique, c'est aller un peu fort. Une baisse de fréquentation, pourquoi pas? Mais je veux dire, l'activité de restauration en soi ne dépend pas de la présence ou non de requins dans la zone, dans le secteur considéré. Vous allez sur la côte californienne, c'est truffé de requins blancs sur les côtes, et pourtant vous avez des activités de restauration dignes de ce nom, vous avez des activités nautiques, vous avez des activités touristiques. L'avocat Saint-Paulois estime cette action plutôt risquée. On est en matière civile. Dans ces cas-là, c'est au demandeur à l'action de faire la démonstration. Donc forcément, l'action serait recevable. À mon avis, hautement probable que le tribunal la déclare non fondée. Pour l'homme de loi, la peine du jeune surfeur est suffisamment lourde avec sa double amputation. Il ne s'agit pas de l'accabler encore plus avec cette judiciarisation à outrance. Nadine Bachelot, comment le requin est-il entré dans la zone de baignade samedi dernier? Les filets n'étaient pas abaissés et l'on sait qu'il y avait un espace où le squale a pu passer. Il aurait pu passer au-dessus aussi grâce à la houle, au-dessus des filets. Une fixation qui relie deux pans du filet aurait cédé. Les deux morceaux de filet se seraient écartés, laissant un passage donc pour le requin. C'est une nouvelle possibilité avancée, mais pour l'instant, les plongeurs de la société Synergie ne peuvent pas aller filmer le filet. Ils essaieront demain si l'état de la mer le permet. En attendant, les réunions entre les différentes autorités se sont multipliées ces derniers jours. Et pour l'instant, la mairie de Saint-Paul n'avance aucune date pour la réouverture des plages de Boucan, Canotte et des Roches Noires. Et lorsque tout sera redevenu normal, des changements sont déjà prévus. Willy Caille est le directeur de la sécurité à Saint-Paul. Nous allons, les forces de gendarmerie et la sous-préfecture, discuter du principe de la flamme rouge et des dispositifs que nous devrons mettre pour sortir les gens qui sont dans l'eau. C'est un point très compliqué à mettre en œuvre, mais il faut que nous mettions au travail là-dessus. Il y a ça. Concernant donc, lorsque les filets, il n'y a pas de flamme rouge, nous aurons bien sûr répondu à toutes les questions de savoir potentiellement où est passé ce requin, par un trou ou par au-dessus du filet. Et de là, nous allons affiner notre surveillance ou améliorer ou changer des choses. Là, aujourd'hui, même si on est encore dans l'émotion, on est dans le temps de l'analyse. Willy Caille était interrogé par Hubert Debeu. Un dernier mot avec ce rendez-vous à noter dès midi 15 ce vendredi. Notre magazine En coulisses revient sur l'éclipse annulaire du soleil en 40 minutes. Revivez l'événement, c'est un reportage de Loïs Mussard. Rendez-vous à midi 15. Merci Cécile. 5h40 sur la première. Mickaël, il fait un petit peu moins frais ce matin. Oui, un petit peu moins, allez, si on peut le dire, avec par exemple 10 degrés à Sillaos, on en avait 6 hier, 17 à 18 hein, sur le littoral, 18 par exemple du côté de Saint-Paul et de Saint-Denis. Mais en contrepartie, nous avons la pluie. La pluie sur la moitié est entre Saint-Denis et Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose, le volcan Takamaka, la plaine des Palmistes et Salazie. Toutes ces régions sont concernées ce matin par quelques petites averses et vous reverrez sous la grisaille, si vous rêvez en ce moment. Vous l'avez déjà vu, hein, cette grisaille, plus ou moins, même s'il fait encore noir hein, dehors. Vous avez senti certainement un petit crachin quand vous êtes sorti de chez vous. Hein. D'autre côté, dans l'ouest, c'est quand même plus agréable. Le vent est toujours présent, malgré le fait qu'on soit en tout début de journée, sur Saint-Denis notamment, avec des rafales à 50 km/h, et sur Saint-Joseph. On le ressent aussi en altitude, du côté du Maïdo, ou encore les plaines et la région de Brapanon. Un temps qui devrait donc être ensoleillé ce matin, mis à part sur la moitié est. Mmh. L'est qui va se dégager, puis dans l'après-midi, les nuages vont s'emparer des hauteurs de Saint-Paul à Saint-Leu et avoir tendance à déborder dans l'ouest. Donc une après-midi plus nuageuse, tout de même sur les hauteurs, un peu moins sur le littoral. Allez, on continue. Avant 6h, on vous fera jouer et on vous fera gagner vos invitations pour ce concert événement. Enfants Illois, Cassia, l'Indigo, 3 heures de spectacle, c'est vous y serez. Vous. Oh, ça se passera au 99-2000, c'est promis avant 6 heures. Mais juste avant, on ira au marché. Mazoc. La pluie, l'aval, la sécheresse, la montagne, les verres aquarelles. La forêt, et en allégresse, quand la brise y étale son caresse. Les oiseaux, ta langue, son sifflet. Dans la vie, tes annonces promesses. Soleil, y éclaire en dentelle. Son lumière, y transperce le ciel. M'y reste dans mon rêve. Même s'il fait soleil. M'y reste dans mon rêve. Il reste dans mon rêve, sourire providentiel. Guette là-haut, couronne l'arc-en-ciel. La nature, mon Dieu, quelle merveille. La nuit, il glisse en berceuse. Madame Laline, un moment y veille. Les étoiles, ils tapissent le ciel. Bonne maman, ils tombent en sommeil. M'y reste dans mon rêve. Même s'il fait soleil. Bah, pas trop longtemps non plus, parce qu'il va falloir se réveiller, Mazok. Ah oui, c'est plus l'heure de rêver. Mazok, mon rêve d'un grand matin. Et puis, pour tous les rêveurs, bah, continuez, hein, si vous avez le temps aujourd'hui, oui, peut-être. Sauf si ça travaille ou si ça l'école, oui, hein. Ils rêvent, mais pas trop. Et bonne route à vous, hein. On rêve pas sur la route, surtout. Non, hein. Non, non, non, non, non, non. À tout de suite, on va marcher. 10h midi, les experts avec Claude Montagné. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. Ça fait rare d'assistant maternel à domicile. Vous pouvez passer ma machine sur l'auto pour connaître ce qu'est le problème. Est-ce qu'il a le droit à un petit arrière? Qu'elle prenne contact avec la carte. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagné, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. T'es, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle? Mais comment ça fait là? T'inquiète pas chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, il est bon pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde papa, sur notre calendrier de ramassage, on en a toutes informations. Il n'est pas compliqué. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et ce matin, Prisca nous emmène au marché forain des camélias. Coucou Prisca. Absolument Isabelle, vous m'entendez bien? Très oui, bien. On entend bien. Ah, tout va bien. Jimmy, comment il est? Bonjour. Ça va, bonjour. Bon, c'est la pause ou quoi? La journée démarre. Ouais, c'est la pause. Vous avez déjà tout rangé ce matin? Vous arrivez d'où? Oui, de Salazie. De Salazie, ça a été la route? Oui, ça va. Est-ce qu'il pleut là-bas? Non. Bon, heureusement, la pluie a cessé ici, hein, sur le marché forain des camélias. Oui, vous avez ramené quoi, Jimmy, de Salazie? Je vois qu'il y a des agrumes, encore? Ouais, il est encore. Oui? Ouais. Bon, il faut en profiter, hein, Isabelle et Mickaël. Ah, oui. Vous savez que l'hiver, c'est la saison des agrumes à La Réunion, et bientôt, c'est l'été qui arrive. Donc, les tangos sont à combien? À 1,50€. Et la tomate? La tomate à 1€. Ça va baisser ou pas? Non, je pense pas, non. Non, non. Bon. Jimmy, on va prendre un café? Oui. Un café besoin, pour là. Vous ou un thé? Un cafrine. Un café, avec une petite. Il a dit un cafrine, je crois. Cafrine, oui. Il a dit un cafrine. Vous l'avez dit une cafrine ou pas? Oui, je crois qu'il veut une cafrine. Bon, bah écoutez... ça, c'est plus difficile laisser, quand même. Hein. Prisca, ah, attention, Prisca. Bonjour madame, il y a déjà du monde en direct sur le marché forain des camélias. Comment ça va ce matin? On va en faire lire, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un peu frais, il y a un peu la pluie, mais c'est pas grave. Vous êtes... Oui, vous êtes bien couverte. Ah oui, oh là là, mon Dieu, oui. Vous arrivez d'où? De Beaumont. Beaumont, c'est à Sainte-Marie. C'est un rituel de venir ici sur le marché? Ah oui, tous les vendredis. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet là? Mais ça, j'ai acheté du haricot. Des haricots quoi? Des haricots verts. Des haricots verts. Frais? Frais. Donc vous venez juste d'arriver, hein, le petit tour commence? Non, il y a un moment, ben nous on est marchands, on vend. Et qu'est-ce que vous vendez? Ben on vend un peu de légumes, un peu des œufs, voilà. Bon, en attendant, vous faites un petit peu vos courses aussi? Voilà, exactement, on en profite comme il n'y a personne encore, enfin personne, je veux dire. Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde, mais bon, on n'a pas trop de clients, ça va encore. Bon, ils vont arriver les clients. Oui, ils vont arriver, ils attendent qu'ils m'étonnent. Ne vous inquiétez pas. Il fait moins froid. Oui, bon, allez, on va allumer le chauffage. Hein. Allez. On va allumer le chauffage, et puis on vous attend ici sur le marché forain des Camélias. Bonjour monsieur. Bien. Oui, comment ça va? Ça va bien. Eh ben, vous êtes bien équipé, vous avez une lampe frontale, vous êtes prêt pour le grand raid? Je fais le travail de Bourbon. Ah, vous faites le travail de Bourbon? Oui. Ouais, le panier, les plumes, il voit où monte un mot de panier là. Alors qu'on en est là dans le panier. Oh, t'sais, monsieur, il a acheté des fraises. Mmh. Fraises, ananas, BNJ, ouais. Oignons, tomates, jacques. Bon, comme ça, il fait qui manger, là. Allez, ah, nous mange samedi soir, c'est Jacques Boucanet. Ah oui, des soeurs. Bon, nous l'a invité. Viens où? Attention, Catherine. Viens avec qui? Il m'amène Jackie? Oui. Il m'amène Isabelle, Michael? Amène Azot. Amène tout le monde. David Leroutier. Ah, salut, David Leroutier. Bisous. Merci à vous, hein. Allez, à bientôt. Salut. Et vous avez vu, ça commence bien la journée. Ah bien, oui. Bon. Puisqu'elle vous l'a passé, invite à nous la case de Moon, non? C'est ça. Et Boucanet et Tijac, ils refusent ah, pas. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça se refuse pas. On est d'accord. Oui. Faites attention parce qu'on a la recherche de Catherine hein, dans le, sur le marché, d'après ce qu'on a vu. J'ai une petite ma tante, elle a un look d'enfer. Ah bon? Elle a mis son imperméable avec son petit chapeau de paille. Trop top. Bonjour ma tante, comment il est? Ça va et vous? Ben, ça va. Alors, on la ramène ou de bon petit gâteau du brûlé? Voilà, ma fille. Oui, avec le bon petit pas de piment? Pas de piment, confiture tomate, goyavier. Ah, ben on va faire une photo et puis on va poster ça sur la page de Grand Matin avec ma tante. Il n'y a pas de souci. Parfait, Prisca, on attend. On attend cette page. À tout à l'heure. Salut, après 6h20. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et si on jouait, ma chère Isa? Ah, mais c'est une bonne idée. Allez, c'est parti. Mais j'ai pas forcément envie de jouer avec vous. Hein. Je t'aime bien, Isa. Hein, mais en fait, j'ai envie de jouer avec les auditeurs, les auditrices. Ah, bah, c'est pour eux le cadeau. Bah oui, en plus, oui, c'est un beau sais. Cadeau. C'est d'accord. Un super beau cadeau. Ah, ça, c'est vrai. Parce qu'on vous offre avant les autres ces places de concert le 7 octobre prochain. Et oui, ça va se passer au petit Stade de l'Est. Cassia, l'Indigo seront ensemble sur scène. 3 heures de spectacle. Un grand moment. Et vous y serez seulement si vous appelez tout de suite le 02 62 99 2000. Et que vous ne vous laissez pas blousé par le DJ Fou. Oui, oui, parce que DJ Fou, comme son nom l'indique, a quelques petits soucis. C'est bon, apparemment, vous êtes déjà nombreux, standard. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le mixeur du 2 septembre, DJ Fou, envoie la sauce. Allez. Je lui ai montré mes brûlures. Bon, c'est facile, ça. Mm-hmm. Et la lune s'est moquée de moi. DJ Fou, t'es gentil en ce moment. Ah bah super facile. Ah allez, bah oui. on appelle 02 62 99 2000. Vite. Il connaît ça, facile. Facile. Bien sûr. Bon, de toute façon, arrête de causer, laisse Bana écouter. Il connaît, regarde comment Stardai pète là. On sait pas. On a besoin du titre ou de l'artiste. Avant de nous donner donc le titre ou l'artiste. Ça c'est quand même assez simple parce que finalement on a besoin qu'une des deux réponses. Bah oui, allez, bon, allez on casse pas la tête. On y va, on va au standard. Allez, appuie là. Attendez, j'appuie, attendez, tout le monde, j'appuie ici. Allez. Allô. On est parti, on va du côté du standard. Bonjour, où est Tan Radio? Ouais, c'est mieux. Voilà. Allô? Non, c'est pas bon. Non, Max. Allô Max. Allô. Comment il est Max? Léla, doucement. Max, les trois bassins. Oui, c'est ça. On se réveille, on est sur la route, on est où là? Oui, on va dire sur la route. Sur la route, déjà, pour aller de boulot. Bah oui. Bah il faut. Max, bon. Les titres sont passés, alors qu'est-ce que vous avez trouvé, vous? Alors, on l'a reconnu, Max? Non, j'ai pas vraiment écouté, j'ai appelé systématiquement. Entre écouter et appeler, il faut choisir. Oui, on peut faire les deux en même temps, hein, remarque. Eh ben Max, il peut pas. Bon alors Max, vous savez ce qu'on va faire exceptionnellement maintenant là, oui. Et pour tout le monde d'ailleurs au 0262 99 2000, on va réécouter le mixeur. Allez. D'accord. Allez, écoute Max. D'accord. C'est parti. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Entendu. Comment? Ok, bon, on est mal barré, je crois, ce matin. 02 62 99 2000, si quelqu'un a trouvé. Alors, Max. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Max? Non, là, j'ai plus du mal à entendre mon téléphone. Aïe. Bon, Max, au revoir. Ouais. Hein. Gagne pas là. Max, ben, oui, c'est pas grave. On vous dit à plus tard. Bisous. Salut, Max. Ah, ben, bisous. Allez. Et, Et oh, ça a coupé. Bon, bah, désolé Max. Désolé, allez, Max. On retourne maintenant. Allô. Sur l'autre ligne. Salut Bruno. Oui, bonjour. Comment ça va, Bruno? Ça va et vous? Bah, très très bien. Alors Bruno, est-ce que vous avez trouvé vous? Non, oui. Alors on vous écoute. Dites-nous. Indochine et Misty. Indochine et Misty. Validé. On valide. Oui. On valide. Oui. Eh bien, c'est gagné, Bruno. Bah, bravo. Bravo. Voilà. C'est parfait. Les deux invitations pour ce concert Enfants Zillois au Petit Stade de l'Est au mois d'octobre, eh bien c'est pour vous avec la personne de votre choix. Ok, super. On vous souhaite une excellente journée, Bruno. Merci bien. Bisous. Bisous. Et il est 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Ragou Marie-Ange Christiane, née Biteau. Madame Ragou Marie-Ange Christiane, née Biteau, le décès est survenu mercredi à l'âge de 90 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en la chapelle du frère Scubillon au Tampon à 10h, suivi de l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Madame M. Kouroupa. Rita Maïdé, née La Douceur. Madame M. Kouroupa, Rita Maïdé, née La Douceur, ancienne employée de la mairie de Saint-Denis. Le décès est survenu hier à l'âge de 75 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima. Aujourd'hui, à 14h, la bénédiction aura lieu à l'église de la Trinité à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Madame Rivière, Marie Philogène, ancienne directrice de l'école Rosalie Javouet à Saint-Paul. Madame Rivière, Marie Philogène, dite sœur Suzy, plus connue sous le nom de Mère Louis. Le décès survenu mercredi à l'âge de 90 ans. La veillée se tient actuellement chez les sœurs de Cluny, Sèche, chemin des Brises à la Montagne. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui. La bénédiction se fera sur place à 9h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Clotilde. Décès de Madame Suzanne Arlette. Madame Suzanne Arlette, dite Madame Foccane. Le décès est survenu hier à l'âge de 82 ans. La veillée a lieu au domicile 46 route nationale du Baril à Saint-Philippe. La bénédiction aura lieu aujourd'hui. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse à 14h15. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église de Basse-Vallée, suivie de l'inhumation cimetière de Saint-Philippe. Décès de Monsieur Ferblantier Jean-Max. Monsieur Ferblantier Jean-Max. Décès survenu hier à l'âge de 58 ans. Un recueillement se tient à son domicile 21, CD10 Tamatave à Saint-Gilles-Léo. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en l'église de Saint-Gilles-Léo, suivie de l'inhumation au cimetière de Villèle. Décès de Madame A.I. Ayan Aline. Madame A.I. Ayan Aline, née Chan Yuk Lin, dite Madame Henri, décès survenu mercredi à l'âge de 83 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui à 15h30 du centre funéraire du Sud, ligne Paradis. La bénédiction aura lieu à 16h en l'église du Bon Pasteur à Ravine-Blanche, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Waro Rodi Henri Paul. Monsieur Waro Rodi Henri Paul, décès survenu dimanche à l'âge de 24 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui 11h30 de la chapelle ardente de la plaine des Cafres. La bénédiction aura lieu à 11h à la chapelle ardente. L'inhumation aura lieu au cimetière du Tampon. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Des infos pratiques, Mickaël. Avec des coupures d'électricité à prévoir aujourd'hui à Saint-Leu de 8h30 à 14h30, chemin Casiopée, impasse Orion, Jupiter, rue du Fangourin, des Écoliers, de la Balance et chemin du Réservoir, au Tampon de 8h à 15h, rue Hubert de Lille et Docteur Ignace Waraud, à Saint-Philippe de 9h à 15h, rue des Orchidées, impasse Puy d'Or, rue de la Pompe et impasse Vanille. Et on parle encore de l'éclipse au 06 92 70 2000. Bonjour Isabelle et Mickaël. Au Brûlé, tous les élèves de l'école primaire, on peut voir l'éclipse. Okay, bien. Laissez votre prénom, ça serait mieux, comme ça on peut au moins vous saluer. Vous quoi. Faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. 06 92 70 2000 pour c'est vos le messages. C'est numéro SMS. Christophe Mahé. Il est où? Il est où le bonheur? Bon il réveil. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Eh ben, il est dans Grand Matin, on l'espère en tout cas pour vous. Ça au moins c'est sûr. Il a cherché Christophe? Il a qu'à venir chercher là, Christophe. Franchement. Et à voir Isa. Toi-même. Et 6h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Hénilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Et des réparations en trompe-l'œil, maquillées par ses manipulations et ses mensonges. Un garagiste marron a arnaqué une trentaine de clients dans le sud de Lille. Hier, le parquet a requis 3 ans de prison ferme à son encontre. La mission qui l'attend s'annonce compliquée. Viviane Mallet, adjointe au maire de Saint-Pierre, a été élue hier présidente du centre de gestion des fonctionnaires, un organisme empêtré dans les difficultés financière. Et puis, pendant que vous aviez les yeux rivés au ciel, hier, pour admirer l'éclipse annulaire du soleil, certains étaient au boulot. Reportage à la fin de ce journal au poste de gestion de l'alimentation d'EDF à Saint-Denis. 3 ans de prison ferme, interdiction de gérer une société et interdiction d'exercer la profession de garagiste. C'est la peine que le parquet a requis hier contre Dominique Dejean. L'homme, un ancien garagiste de 50 ans, devait répondre d'abus de confiance, abus de biens sociaux et tromperie. En faillite personnelle après la liquidation judiciaire de ses 2 sociétés, Dominique Dejean a créé une nouvelle société de vente de pièces détachées. Et dans le même temps, il a continué une activité de garagiste marron. Et surtout, Pierre Comor à Samy, il a arnaqué une trentaine de clients. Manipulateur, menteur, arnaqueur, ce sont les mots du représentant du parquet pour qualifier la personnalité de Dominique Dejean. Après 2 faillites personnelles en 2005, l'homme avait laissé une ardoise de 593 000 euros. Mais en plus, lors de la liquidation de ses 2 sociétés de vente de pièces détachées et de réparation automobile, il détourne une partie de l'actif qui lui sert ensuite à ouvrir une autre société de vente de pièces détachées, placée cette fois sous le nom de sa compagne, et surtout un garage marron. Ce garage est spécialisé dans le remplacement des moteurs standards. Dominique Dejean encaisse des acomptes entre 1 000 et 2 000 euros à chaque fois, mais il n'effectue pas les travaux. Tout juste, il donne un coup de papier de verre sur la culasse et repeint le moteur pour lui donner l'aspect du neuf avant de le remonter sur la voiture. Un système malhonnête et surtout dangereux pour la sécurité qu'un salarié va finir par dénoncer. Pour Dominique Dejean, il s'agit de faire moins pour gagner plus, note le vice-procureur Mathieu Saunier. Il requiert 3 ans de prison ferme et la révocation de 2 sursis de 6 mois contre les prévenus. Dominique Dejean sera fixé sur son sort le 10 novembre prochain. Pierre Comora, Samy et puis l'ex-compagne de Dominique Dejean, elle aussi, était dans le box des accusés, poursuivie pour complicité de recel de biens sociaux et travail dissimulé. Elle risque 18 mois de prison avec sursis. Changement de tête, mais avenir incertain pour le CDG, le centre de gestion, l'organisme qui suit la carrière des fonctionnaires de la fonction publique territoriale et qui s'occupe aussi de l'organisation des concours, est désormais présidé par Viviane Mallet. Et ça ne s'annonce pas de tout repos pour l'adjointe au maire de Saint-Pierre. Depuis les dernières municipales et surtout depuis le début de l'année, les difficultés financières du CDG ont été mises au jour. L'ancien président Thierry Vatilingom, poussé vers la sortie, avait finalement démissionné le 1er juin. Et dans le même temps, plusieurs communes comme Saint-Louis, Saint-Pierre ou Le Tampon ont décidé de quitter le centre. Alors que va-t-il se passer désormais ? Élément de réponse avec Sophie Persson. Tout va dépendre de l'audit en cours. Il y aurait eu beaucoup d'embauches et la situation financière du centre de gestion ne serait pas très brillante. Si les communes qui ont annoncé leur départ, ce qui signifie qu'elles ne cotiseront plus, si ces communes donc partent effectivement, les finances du centre de gestion vont alors clairement plonger. Selon les résultats de l'audit, les communes comme Saint-Pierre pourraient finalement rester, d'où l'intérêt pour la capitale du Sud d'avoir une élue saint-pierroise à la tête du CDG, au cas où. L'équilibre reste donc fragile, mais en tant que présidente, Viviane Mallet va pouvoir faire avancer les dossiers. En période d'intérim, c'était plus compliqué de prendre des décisions. Tant que le couperet de l'audit ne sera pas tombé, le CDG ne sera pas sauvé. Sophie Persson. Un gros projet qui démarre pour les étudiants en première année du BTS agricole, développement et animation des territoires ruraux. Ces étudiants du lycée Cluny de Sainte-Suzanne vont travailler pour la mairie de Saint-Benoît. Ils vont recueillir des données qui doivent servir de base à la mise en place d'une nouvelle stratégie pour développer le tourisme dans cette commune de l'Est. Un projet qui plonge ces étudiants très tôt dans le cœur de leur formation, selon leur enseignante Agnès Técher. Cette mise en situation se concrétise aujourd'hui par la signature d'une convention de partenariat pour laquelle les étudiants s'engagent à réaliser donc un diagnostic de territoire qui est un outil préparatoire, un outil de prise de décision pour faciliter la faisabilité d'un projet de service. En l'occurrence, pour la mairie de Saint-Benoît, il s'agit aujourd'hui de voir sur son territoire si l'offre touristique est structurée, cohérente par rapport aux attentes, aux besoins de la population, donc des résidents, mais aussi des touristes de passage, et s'adapter à ces attentes. Agnès Técher, enseignante au lycée Cluny de Sainte-Suzanne, interrogée par Joanne Adama-Dorassi. Retour désormais sur l'événement de la journée d'hier, un événement exceptionnel, l'éclipse annulaire du soleil suivie par des dizaines de milliers de réunionnais. En début d'après-midi, la lune a occulté notre étoile pendant plusieurs minutes. Conséquence de cette partie de cache-cache, une baisse de production d'électricité, les panneaux photovoltaïques n'étant plus éclairés. À EDF, on prépare depuis longtemps l'événement, c'est plus d'un quart de la production électrique qui dépend du soleil. Daniel Dambreville s'est rendu au poste centralisé de commande d'alimentation électrique d'EDF à Saint-Denis. Et c'est là que les techniciens surveillent minute par minute la production et la consommation. Ok, très bien. Tous les moteurs sont disponibles pour pouvoir anticiper la variation de solaire. Moi, c'est Thierry Braillette, donc dispatcher. Ok, tu peux faire PMD, s'il te plaît, sur les deux tranches. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Ça bouge de partout sur l'écran. Bon, la fréquence commence à baisser, donc voilà, j'anticipe un petit peu. J'augmente la puissance des groupes pour rétablir la fréquence à 50 Hz. C'est un indicateur qui me donne l'équilibre entre la production et la consommation. Oui, Thierry. On va commencer à monter les groupes. Tu peux faire sur les deux premières tranches 25 MW et sur la 3, 40 MW. On va utiliser notre hydraulique pour rattraper la baisse de production solaire. Oui. David Beauveil, adjoint du service système électrique. Ça va baisser durablement et assez profondément, hein, puisqu'on s'attend à 90% de production photovoltaïque en moins. Et donc après, la remontée, ça va se gérer de la même façon. C'est-à-dire, à un moment, on déstocke de l'eau pour arriver à suivre la baisse du photovoltaïque et on va restocker de l'eau au moment où le photovoltaïque va remonter. Est-ce qu'il y a un risque de rupture à un moment? Non, aucun risque de rupture. On a travaillé depuis longue date sur cet événement-là. Donc non, il n'y a pas de risque de conséquences d'alimentation électrique sur la Réunion, pas du tout. Ça y est, il est 14h08, donc on est à 6,7 MW. En dessous des 10 MW, c'est ce qu'on avait prévu, hein, entre 90 et 94% de baisse. Et on le voit bien sur notre carte qui représente le soleil que l'ensemble de la production photovoltaïque s'est arrêtée sur l'île, voilà, quasiment. Ça va durer 2 minutes et on va reprendre la marche montante de l'énergie photovoltaïque. Et la chute brutale de production photovoltaïque n'a eu aucun impact sur l'alimentation du réseau électrique. Reportage signé Daniel D'Ambreville. Et l'éclipse de soleil, on en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale, Didier Debals, porte-parole du SAIPER, le syndicat alternatif des instituteurs et des professeurs des écoles de La Réunion. Au menu, le bilan de la grève le jour de l'éclipse, les critiques autour du mouvement, les écoles fermées par les mairies, les responsabilités dans le fiasco pédagogique de l'événement. Et puis n'oubliez pas aussi, à midi après le journal, l'émission spéciale Dans les coulisses de l'éclipse, réalisée par Loïs Mussard. Voilà, c'est la fin de cette édition. Place désormais à l'actualité nationale et internationale avec France Info et Édouard Marguier. La marque Philips se retire un peu plus de France. Elle va supprimer 230 emplois sur ses deux derniers sites de production d'éclairage dans notre pays, dont celui de Hameau de Beuvron dans le Loir-et-Cher. Les postes doivent être supprimés pour être délocalisés en Pologne et en Espagne. La santé de nos entreprises sera au programme pour François Hollande ce vendredi. Il est avec Angela Merkel aux rencontres franco-allemandes d'Evian. Les deux chefs d'État seront face à une quarantaine de patrons français et parleront économie et partenariats commerciaux. Bernard Cazeneuve, lui, sera à Calais pour visiter à nouveau le camp de migrants, la 7e visite. En un an, avant même d'arriver dans la jungle de Calais, il annonce la poursuite du démantèlement du camp de migrants. Par étapes, précise le ministre de l'Intérieur au quotidien Nord Éclair, il propose de commencer par créer davantage de places d'hébergement en France afin de désengorger cette jungle ouverte depuis le printemps 2015. Le vent va souffler fort, très fort en Floride ce matin. Il pourrait même faire de gros dégâts dans le sud-est des États-Unis. L'ouragan Hermine arrive avec des vents à 180 km/h vers 8h, heure française, dans 4h donc. L'état d'urgence est déjà décrété dans au moins une cinquantaine de comtés de l'État. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU appellent les Gabonais à rester calmes. Les membres du Conseil de sécurité qui sont profondément préoccupés par les violences au Gabon. Ils se sont réunis à huis clos, réunion à l'initiative de la France. Ça s'est passé au siège des Nations Unies à New York. Ces affrontements, des affrontements et des émeutes ont éclaté mercredi dans la capitale Libreville du Gabon après la réélection du président Ali Bongo. Ces violences se sont poursuivies ce jeudi. Peu importe le drapeau, le Comité international paralympique ne veut pas voir d'athlètes russes à Rio. Ils ont été exclus après le scandale du dopage. 175 d'entre eux avaient demandé à participer aux compétitions sous drapeau neutre. Une demande qui a été rejetée cette nuit. Les Jeux paralympiques débutent dans 4 jours. L'US Open, le tennis, il n'y a plus qu'une seule Française en lice pour le 3e tour. Il s'agit de Caroline Garcia, parce que Kristina Mladenovic a été éliminée cette nuit par la Russe Pavlyuchenkova en 3-7. Les footballeurs, eux, ont réussi leur rentrée. Victoire 3-1 contre l'Italie à Bari hier soir, c'était en match amical. Prochain match pour nos Bleus, ce sera mardi prochain en Biélorussie. Et celui-là comptera, parce qu'il comptera pour se qualifier pour le Mondial dans 2 ans. 6h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Michael, on va s'intéresser à la météo, le soleil qui s'éclipse pour de bon. Ah oui, là, pour le coup, ça sera pas de 3 minutes. Ce matin, les nuages ont pris le dessus sur le soleil sur la partie est de l'île. Une grande partie est entre Saint-Denis et la région de Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose, Salazy, Takamaka et le volcan. Là, on a de la grisaille hein, ce matin. Vous allez vous réveiller certainement sous les nuages et sous les averses. De l'autre côté, par contre, le soleil sera plus vaillant entre la Possession et Saint-Pierre et les cirques de Mafat et Tilaos se réveilleront sous le soleil. En tout cas, on l'espère. Pour ces régions, mais il y aura du vent, le vent qui va souffler sur la partie sud-ouest, notamment vers Saint-Pierre, et puis de l'autre côté vers Saint-Denis, avec des rafales qui atteindront 60 à 70 km/h en cours de journée. Et puis les nuages vont s'imposer hein, sur les hauts cet après-midi, surtout sur les hauteurs de l'ouest entre Saint-Paul et Saint-Leu. Dans l'est, on essaiera d'en trouver quelques éclaircies, elles seront quand même beaucoup plus timides hein, sur la région du volcan. Température avec des normales de saison, 26 degrés sur le littoral, 14 à la plaine des Cafres. Et 12 au volcan et 20 degrés au tampon. Et puis la mer est forte, prudence entre Saint-Leu et Sainte-Rose. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on fait le premier point trafic de la journée. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et c'est avec Yves Gruyer. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, heureux de vous retrouver. On va évoquer cet accident qui s'est produit vers 3h du matin, un piéton renversé sur la 4 voies du sud entre Saint-Pierre et Saint-Louis, c'était dans le sens sud-nord à hauteur du radar près de la ravine des Cabris. Donc un piéton qui marchait sur le bas-côté, sur la bande d'arrêt d'urgence. On s'en sort pas trop mal, puisque le blessé n'a pas été trop gravement touché, semble-t-il. Hein, voilà, donc pour les premières infos que j'ai pu avoir, mais enfin donc tout est terminé bien sûr, c'était vers plein milieu de nuit, donc 3h du matin. Attention, ce qui change par rapport à ces derniers jours, c'est que les routes de Saint-Denis sont mouillées, alors routes au niveau du centre-ville, sur le littoral, mais également sur les routes départementales qui montent, donc qui redescendent surtout des hauts, donc à cette heure-ci, avec un gros trafic qui converge vers la partie basse, donc attention dans les rangs, puisque forcément ce sont des routes à virage, que ce soit la route de la montagne, de Saint-François, etc., justement la route de Saint-François, je vous avais évoqué la fin de chantier d'enroulé, mais non, je me suis trompé. Donc hier, le chantier, non seulement il n'était pas terminé hier matin, mais en plus il n'est même pas fini cette nuit, puisqu'il reste encore un tronçon à réaliser en enrobé, la partie qui était en chantier, c'est-à-dire le boulevard Saint-François, entre le carrefour du Monseigneur Mondon jusqu'au niveau de l'entrée du boulevard de la Providence. Donc attention, ces travaux ne seront sans doute pas réalisés ce soir, il n'y aura pas 5 nuits de travaux dans la semaine, mais plutôt lundi soir. Voilà, et puis sinon, les bouchons, peu important, enfin en tout cas, ils sont dans l'ouest maintenant, en ce moment, juste à l'entrée de la tranchée couverte de Saint-Paul, quelques zones roulantes avant Savannah, et des ralentissements à l'entrée de Saint-Denis, juste au carrefour de la route de la montagne. Très bonne route et prudence avec la chaussée glissante sur le chef-lieu. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vos messages qui arrivent sur le 06 92 70 2000. Bienvenue à tous. Bienvenue à ceux et celles qui nous envoient des messages. Notez vos prénoms quand même dans les messages. Merci de votre bonne humeur. Bonjour au duo de Grand Matin. On aurait bien aimé vous faire un bisou, une grosse poignée de main. Bah oui. Tout dépend. Cher anonyme. Voilà, cher anonyme. Salut à Fred de la Montagne qui a été déçu de l'éclipse. Je croyais qu'il allait faire nuit. On l'avait dit dans Grand Matin. Ouais. Il n'allait pas faire nuit. Bah regarde la suite du message. Ça aurait été une bonne excuse pour pas aller travailler. Ah, dommage. Ouais. Ouais, mais pendant 3 minutes. Eh bah non, Fred, ça marche pas ça. Ça n'aurait duré que 3 minutes de toute façon, Fred. Donc c'est pas très grave. On embrasse Noël de Saint-Denis. Moi, oui. C'est dans le car jaune que m'a regardé l'éclipse de Saint-Pierre. Bah oui, entre Saint-Pierre et Saint-Denis, dans le car. Bah, c'est bien Noël, comme quoi. On a tous eu un endroit pour la regarder, cette éclipse, et on s'est tous arrêtés un moment pour voir ce phénomène exceptionnel. Cette matinée, eh bien, on va vous faire gagner une croisière, exactement, peut-être sur la mer. Notre belle mer, notre beau océan Indien. Mmh. Comment on fait, Isa ? Eh bien, on prend son petit déjeuner, déjà. Bah, c'est simple. C'est le repas le plus important de la journée. Donc, on prend son petit déjeuner. On prend surtout une photo de ce petit déjeuner que l'on va poster sur notre page Facebook, en laissant son prénom, tout simplement. Et ensuite, eh bien, on participe à un tirage au sort. À la clé pour aujourd'hui, 2 invitations pour aller au cinéma. Première c'est chose. Pas rien. Et surtout, tirage au sort avant 8h pour cette croisière en catamaran pour 2 personnes. Donc, vous n'hésitez pas, vous faites votre petite photo et c'est gagné. Et on file sur le marché dans un instant avec Prisca, dès 6h20 bien sûr, mais d'abord, voici Karimi avec Buzz sur Première. Mache fè diolè Ti mwen tou piti Mè mwen leve depi Sa yo rele mi Pa yo atak ti Se pa nou ki chwazil Mè se bon diè ou di Non, mi ka mantre nan kanaval la Mantre pire Non, mi ka fè internasyonal la Mantre pire Mwen pati se mwen kpi bon Mèm konè ou pa bezwen fi men Se karimi ki ka fè mwen Fly now Sel Karimi ki ka fe mwen high Tou On se réveille avec le buzz de Karimi, on bouge le haut, le bas, le haut, le bas. On fait quelques exercices, mine de rien, tu sais, même ça réveille. Dans la voiture, même dans la voiture, hein, puis on revient, on va aller sur le marché, on va prendre nos fruits et légumes. C'est surtout qu'on va tapoter le 99-2000 pour gagner son bon d'achat. Ah oui, c'est important ça. De 20 euros. 20 euros dans votre porte-monnaie maintenant, si vous appelez le 99-2000. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est maintenant ou jamais. Ça se fait en douceur. Même, alors on appelle 99-2000. A tout de suite. Là, là et là. Voilà. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèques et Complémentaire Santé. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la CIVIS change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la CIVIS distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir des pompettes. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Allez, il y avait un seul numéro pour gagner aujourd'hui, votre bon de 20 euros à valoir chez Espace Fraîcheur. Le 02 62 99 2000, numéro de téléphone à composer. Vous irez peut-être voir Madame Robert sur le marché forain des Camélias avec son petit limpé imperméable, son petit chapeau de paille et vous prendrez ce que vous voudrez. Et bien sûr, son étal pour 20 euros. Ouais, mais d'abord, on va donc aller côté du standard. Faut trouver quelqu'un maintenant. Salut Émilie. Bonjour. Émilie de la possession. Bonjour. Elle travaille dans les assurances, Émilie. Oui. Elle est en forme grand matin, bah, hein, Émilie. Ah, mais c'est vendredi. Alors. Ouais, c'est important. Alors... Le week-end arrive. C'est ça, oui. Émilie, vous aussi, vous allez pouvoir cuisiner vos fruits et légumes ce week-end. Allez, pourquoi pas. Super. Puisqu'on vous offre 20 euros à valoir chez Espace Fraîcheur. C'est pour vous, ma chère Émilie. Voilà. Merci. Mais il n'y a pas de souci. C'est quoi le programme pour ce week-end, là? Ne rien faire, ça serait bien. Oh, c'est bien. Parfait. Oh là c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est bien, on bisous valide. Bisous Émilie, bon réveil. Bisous. Bonne journée. Bisous, bonne journée, merci. Bye à vous. Bye. Bye. Et voici l'Indigo, qui vont tenter de nous réveiller aussi, hein, pour ceux qui ont un petit peu de mal ce matin. Ça va marcher, je pense. L'Africaine Mada. Il y a moyen que ça marche. Ça va le faire. Où connaît-on ça, où saute ? Où connaît-on ça, où ça va ? Malé dans la Réunion. Osanana toute bonne nation té. On me l'a grandi dans Maloya. On me l'a grandi dans Kabaré. Pour ça je dis mi de bon Dieu. Pour ça je dis mi un bon Dieu. Où t'es mon tante qui saute. African Mada. African Mada, vous sauter. Et là, juste pensez au week-end. Il est 6h24, mais déjà, pensez à ce que vous allez faire, peut-être dimanche, avec la famille, à la plage, sur l'aire de pique-nique, ou ailleurs, peut-être chez vous, dans votre lit. C'est ça le week-end, c'est l'ambiance du week-end qui est déjà sur première dans Grand Matin. Tu peux m'emmener un cocktail, s'il te plaît? Ça, j'ai pas, désolé, hein, je suis pas barman. Pense au week-end. Pas barman non plus. Hein. L'Indigo, l'African Mada, sur première. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Vous demandez à Prisca, elle a peut-être un smoothie ou autre ouais, chose peut-être. À vous proposer, un smoothie de ouais. Combava bah, ou peut-être. Quoi, bon. Un smoothie au mûrier. Ah, oh, pourquoi pas. Mûrier. Ah ouais. Oui, le mûrier. Mmh. Il y en a ici. C'est un petit matin, ils sortent du brûlé. Elle a ramené aussi des azalées. Et j'ai aujourd'hui un bodyguard. Oh, c'est ça, oh, bonjour. Bah oh. Oui, il y a Rambo qui est avec moi. Ah bah bonjour, oui, Rambo. Forcément. Salut Rambo. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe Réunion Promis, à tous les auditeurs, les auditrices. Les bonjours de Rambo avec la fraîcheur du marché du comédien en ce vendredi matin. Alors, on est et là. Rambo, c'est quoi de secret? Parce que là, l'ambiance. On est en forme. Hein. Et Rambo, il est en t-shirt. Mais Rambo, il n'a pas Fredo. Moi, j'apprécie la fraîcheur du temps. J'ai l'emmagasine dans ma tête. Parce que dans le centre d'année, il y aura la grosse salaire qui arrive. Au moins, moi, j'ai ma fraîcheur, pas virtuelle, pas artificielle, mais à l'intérieur. Ah et oui, Rambo, quand même. Il a, ouais, ça... il a une oreillette, il vous entend, les amis. Ah, eh ben, coucou oui. Rambo. Rambo. Allez, bonjour à tous. Rambo, on l'a vu, Bichic l'a monté à Salazie. Oh là là. Parce que juste à côté, il y a des Salaziens qui ont ramené des samoussa au Bichic. Donc ça coûte 30 centimes seulement. Samoussa au Bichic, jamais mangé, ça, oui. Par contre. Hein. Ah oui. Samoussa, Bichic, piment. Mm. Et juste à côté, c'est quoi? Samoussa, chevaquine, piment. Non. Tu goûtes ça, ou Rambo? Si, j'ai déjà goûté parce que moi, je suis un homme, j'ai toujours dit, c'est pas vivant qu'on goûte. Si on aime, on dit oui, si on n'aime pas. Rambo, il n'a pas mangé que ça, à mon avis. Il faut toujours goûter. Et Rambo, il fait le spectacle. Ça ah marche, oui. Faut pas bah oui, il entend. Parce que tout le monde regarde Rambo. Mm. C'est quoi le secret? Mon secret, c'est que je m'aime moi-même pour pouvoir aimer les autres et j'ai dit la vie est belle. Oh, quel philosophe. C'est génial. C'est Rambo, allez, c'est partir. Pas Rambo. Non. Bon. Et il a aussi le béret, hein. Ah ben en oui, plus. Ça fait 44 ans que j'ai pas de mon beurre parachutiste, j'étais un commando, moi. Hein. Ah, c'est vrai. Ah oui, il a tout vrai. Fait, Rambo, il a eu plusieurs vies. Ah oui, il est connu, hein. Il est connu, tout le monde le connaît. Attendez, Rambo, j'ai passé l'oreillette à Luce, merci Rambo. On salut va faire Rambo. Un petit coucou à Luce, Luce qui a acheté comment ça s'appelle un plan d'aubépine. Ah, un plan l'aubépine. Mon Dieu, l'aubépine est en train de rentrer dans ma bouche, là. Non, mais c'est pas grave, hein. Attendez. Bonjour, Luce. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Yeah, c'est dangereux, problème. Votre métier. Ah ben ouais, c'est les risques du métier. Hein. Tu sais, m'a failli tomber avec l'aubépine, là. Ah, bonjour à tous les auditeurs de Info. Salut. Bonjour. Ça va, aubépine? Aubépine, ah, oui. Non, je savais pas aubépine. C'est Luce. C'est Luce. Luce. Luce. Oui. Joli prénom, Bépine. Hein. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Ah, merci. Bonne journée, Luce. Des azalées pour toute l'équipe des RFO. Bisous. Merci, ma chérie. Elle offre des azalées oh, pour chouette. Toute l'équipe de Réunion. Ça, c'est super. Mignon, c'est... Voilà. Et beau mois de septembre. Merci, pareil, merci, Luce. Aïe. Bon, allez, on va reprendre ses esprits. Oui. Là. Entre Rambo, l'Aubépine et les azalées, moula. Ouais. Moi, je suis perdue. Hein. Aïe, bon, aïe. Alors, on va retrouver tout à l'heure. C'est les rougas. Rougail-Merrier, là, pour aujourd'hui, pour un dès septembre, la fête d'Ingrid, c'est Rougail-Merrier qui maintient la forme. Okay, alors, ben on va faire un petit coucou à Ingrid, hein, voilà. Et puis, Rougail-Merrier, c'est le mot de passe pour gagner le cadeau tout à l'heure. Mm-hmm. Rendez-vous à 8h30 sur le marché forain des Camélias, et peut-être que je vous ferai goûter le samoussa bichic ou le peut-être. Samoussa chevaking. Hein. Peut-être. Vous allez choisir. À tout à l'heure, Prisca. Allez, à bisous. Bisous. Allez, bonne continuation. Merci, Rambo. C'est un plaisir de partager. Merci. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. On va rejoindre Yves Gruyer tout de suite qui nous attend au niveau du boulevard de la Source. C'est à vous Yves. temps toujours maussade, un peu moins de vent, un peu moins de fraîcheur surtout. La circulation donc qui se passe pas trop mal finalement ce matin. La preuve dans l'Est, par exemple, à la marine de Sainte-Suzanne, la circulation est relativement correcte. Alors il y a un peu de monde sur la partie haute en se rapprochant de l'échangeur nord de Sainte-Suzanne. Jusqu'au Verger, le trafic est quand même dense, roulant, donc entre 40-60 km/h à peu près de moyenne. Et puis l'entrée Est sans problème. L'entrée Ouest, vous êtes toujours ralenti simplement à hauteur de la caserne Lambert. Ça se passe bien ici sur la partie boulevard sud, côté source, c'est-à-dire le pont Vincent ou les tranchées, pas de difficulté. Et puis côté ouest, des ralentissements qui sont à la sortie de la tranchée couverte en haut du viaduc, donc ce n'est pas complètement saturé. Pour ce matin, sur un week-end qui se prépare rallystique, vous le savez, un deuxième gros rallye en un mois, après le Tour Auto. Et les invités extérieurs, là c'est le retour d'Olivier Payette qui va faire le buzz à partir de ce soir avec des spéciales qui seront concernées ce soir du côté de Sainte-Anne, sur les hauteurs de Sainte-Anne, donc c'est-à-dire la route de Cambourg, que ce soit le chemin Morange ou le chemin Sainte-Marguerite, fermé tous les deux à partir de 19h et 19h30 à toute circulation, attention à tout à l'heure. Rendez-vous après le journal Yves, 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Le rendez-vous entre la Lune et le Soleil a tenu toutes ses promesses. 4000 personnes au Gol et du monde dans l'ouest de l'île. Il fallait parfois être patient ailleurs et attendre que les nuages se dissipent. Pas de quoi décourager les amateurs. Retour ce matin sur le phénomène à Saint-Denis avec des lycéens, à Saint-Benoît sous les nuages et chez EDF qui a vécu l'éclipse d'une manière toute particulière, vous l'entendrez. Des lycéens au travail pour la commune de Saint-Benoît. Ils sont en BTS et devront fournir une étude sur le tourisme dans la commune de l'Est. Et puis, ils ont accepté de soutenir les gendarmes et de s'engager. Rencontre avec des réservistes à la fin de ce journal. Ils ont reçu une formation spéciale près de Paris. Reportage. L'avez-vous vu ? L'éclipse annulaire du soleil hier au Gol, le village éclipse a accueilli près de 4000 personnes. Mais un peu partout dans l'île, on pouvait observer le phénomène au bord des routes, dans les stades, depuis son balcon, au pied des immeubles et malgré l'appel à la grève, dans les écoles. Certains lycées et collèges avaient préparé des projets spéciaux pour cette journée. C'était le cas au lycée Lecomte de Lille à Saint-Denis. Dès 11h30 et jusqu'à 3h30, des ateliers d'animation scientifique, culturelle mais aussi artistique étaient organisés dans l'établissement. Mélodie Nourry a partagé ce moment avec les élèves. On voit même pas le bout de manger du soleil. Pas facile quand on n'est pas un professionnel équipé de prendre un cliché de l'événement astronomique du siècle à La Réunion. Et la photo, elle est chelou. Le professeur référent éclipse, Gérald Mercadier, vient vite à la rescousse. Bah, tu mets ton téléphone là et tu fais ta photo. C'est pas du tout évident. Du coup, là, la photo, contente, pas contente? Elle est jolie, mais c'est pas le même rendu que sur lunettes. Ça donne pas grand-chose parce qu'on voit pas... Enfin, si, c'est déjà bien qu'on puisse voir un peu, mais... Et même s'ils font leurs photos à travers un film spécial, les lycéens sont malgré tout surveillés par d'autres petits camarades, membres de la brigade Eclipse, repérables grâce à leur casquette orange. Perle, 15 ans, et Oriane, 17 ans, en font toutes deux parties. Leur mission ? Distribuer les lunettes, assurer un peu la prévention, des choses comme ça. On les surveille pour pas qu'ils fassent de bêtises parce qu'on est quand même responsable d'eux. Donc voilà, quoi, on aimerait bien que tout se passe pour le mieux. Car l'important, c'est de pouvoir dire « je l'ai vu » avec plus ou moins d'enthousiasme. J'ai eu la chance d'en voir une en Allemagne. C'est toujours aussi grandiose. C'est un phénomène impressionnant en fait. Je trouve qu'il fait un petit peu trop, je suis pas à l'éclipse quoi. M'en fous. Honnêtement, je m'en fiche un peu. Ces deux-là ne sont pas au bout de leur peine. Ils risquent d'en entendre parler encore longtemps, car l'éclipse est un support pédagogique riche que les profs de maths, physique et même histoire comptent bien exploiter dans l'avenir. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mélodie Nourry, l'éclipse au programme. On en reparle avec Didier Debals, le porte-parole du SAIPER, le syndicat alternatif des instituteurs et des professeurs des écoles de La Réunion, syndicat qui appelait à faire grève hier. Il sera l'invité de la matinale et il répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. Il fallait vraiment avoir envie de voir le phénomène hier pour rester au rendez-vous fixé par la mairie de Saint-Benoît, car la pluie et surtout les nuages ont un peu gâché la fête. Des curieux très motivés ont été récompensés. Entre les nuages, ils ont pu découvrir un morceau de l'anneau et avoir toutes les explications sur cette éclipse grâce aux éclairages d'Henri Chantef. Il est conseiller municipal et vice-président de la CIRESTE. Il est aussi ancien professeur de sciences et passionné. C'est lui qui a mis en place ce petit village de l'éclipse à Saint-Benoît. On est un petit peu déçus, mais même si le ciel a été voilé, on a pu quand même voir de temps en temps le soleil disparaître. On a vu un croissant de soleil. Donc c'est formidable. Mais en même temps, les gens ont pu suivre sur l'écran de la télévision ce qui se passe. Et le peu qu'on a pu voir, vous avez pu voir comment les gens sont émerveillés de voir un anneau solaire, quoi. Un morceau d'anneau solaire, c'est extraordinaire. Mais bon, moi-même, je suis émerveillé. J'ai déjà eu l'occasion d'assister à d'autres éclipses. Je vais vous dire que c'est un moment extraordinaire, même si on reste sur notre faim à Saint-Benoît. Henri Chantef répondait à Johan Adamadourassi. Alors après, ceux qui ont bien vu l'éclipse, ceux qui ont dû regarder à travers les nuages, ceux qui ne l'ont pas regardé du tout, car ils devaient rester à leur poste de travail. Et du travail, il y en avait chez EDF. Quand la Lune a éclipsé quelques minutes le Soleil, la production d'électricité photovoltaïque a chuté en flèche. Le Soleil produisant plus de 25% de l'électricité de l'île, il a fallu réajuster la production pour répondre à la demande. Depuis des mois, EDF se prépare au phénomène et c'est au poste centralisé de commande d'alimentation électrique que les techniciens ont suivi minute par minute les variations de production et de consommation. David Beauveil est adjoint du service système électrique à EDF. C'est lui qui supervisait très sereinement les opérations. Tous les scénarios avaient été imaginés. On a deux problématiques qu'on va rencontrer ici dans notre salle. C'est à la fois une baisse de la production photovoltaïque puisqu'on a une bonne partie de la production qui dépend du soleil, environ 25%, voire même un peu plus. Donc une baisse de la production et une modification de la consommation. Alors ce qu'on a bien préparé avec notre service de recherche et développement, c'est justement ces prévisions-là, la prévision de la baisse de la production photovoltaïque. Et puis sur la consommation, on va dire que l'historique, il est faible, parce que des éclipses, il n'y en a pas énormément. En général, on prévoit plutôt une baisse de la consommation, parce qu'un phénomène exceptionnel, l'habitude fait que les consommateurs, en général, consomment moins. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur les éclipses passées en France en 99 et en 2015. Voilà. David Beauveil d'EDF répondait à Daniel d'Ambreville. Au final, effectivement, la baisse était conforme aux prévisions. La production photovoltaïque a chuté de plus de 90% entre midi 20 et 14h08. Une baisse sans effet sur le réseau puisque compensée par les centrales hydroélectrique. Une éclipse, c'est visuel, mais c'est aussi sonore. Revivez ces 3 heures à part en 40 minutes. C'est ce qu'on vous propose sur Réunion Première Radio. Rendez-vous dès midi 15 dans les coulisses de l'éclipse. C'est un reportage de Loïs Mussard. 6h36 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Dans l'actualité également, où en est le tourisme à Saint-Benoît? Les atouts de la commune sont-ils bien mis en valeur? Sont-ils connus assez? En tout cas, la ville souhaite faire un état des lieux et pour ce faire, elle a fait appel aux élèves en BTS, développement et animation des territoires ruraux. Ils sont au lycée Cluny de Sainte-Suzanne. Ils seront chargés de cette étude qui devrait permettre à la commune de faire des choix et de prendre des décisions en matière d'animation touristique. Un projet qui profite aussi bien aux étudiants qu'à la municipalité. Jean-Max Govinda-Samy, le directeur stratégie économique et touristique de la ville de Saint-Benoît. C'est une opportunité qui nous est offerte, c'est de travailler avec le lycée Cluny, où ils ont besoin d'un support pour mettre en œuvre leur programme. Compte tenu des orientations de la ville, qui consiste à mettre en tourisme Saint-Benoît, donc on est inscrit dans cette démarche, le processus est en cours depuis quelques temps, avec la venue bientôt du siège de l'OTI Est au centre-ville de Saint-Benoît, les aménagements qui vont avoir lieu. Donc on s'est dit, il serait bien d'avoir une photographie de la situation touristique sur Saint-Benoît. Benoît pour en tirer des conclusions et proposer des pistes d'action. Donc ces forces de propositions qui peuvent venir des jeunes pourraient nous être utiles dans la mise en œuvre des actions qui seraient adaptées aux attentes des touristes. Des propos recueillis par Johan Adamadourassi. Depuis les attentats de Charlie Hebdo à Paris, les forces de l'ordre sont très sollicitées. Beaucoup de fatigue dans les rangs des gendarmes, des policiers soumis à beaucoup de tensions et de jours travaillés sans repos. Après les attentats du 14 juillet à Nice, le président de la République a appelé à renforcer la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Des formations ont été mises en place pour préparer les personnes issues de la société civile, notamment une formation intensive sur 15 jours qui, une fois validée, permet aux réservistes d'être réquisitionnés aux côtés de gendarmes expérimentés. Cette formation se tenait au camp militaire de Benne dans les Yvelines. Parmi les encadrants réservistes et les stagiaires en formation, nombreux étaient natifs d'outre-mer. Des filles, vous contrôlez le véhicule et après vous avez le code rouge, on y va. Le lieutenant Alexandra, réserviste réunionnaise, supervise un exercice d'interpellation d'un individu dangereux au volant d'un véhicule. Ensuite, menottage. et on l'emmène en position déstabilisée. Sarita, 30 ans, martiniquaise et mère d'une petite fille, a décidé de s'inscrire à cette formation. Je travaille à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Pour moi, c'est un appel en tant que citoyen. À la fin de cette formation, je me sens capable quand même de protéger la population. Le lieutenant Alexandra, elle, est enseignante dans un lycée professionnel. Depuis 2008, elle consacre environ 60 jours par an à la réserve. Après les attentats, elle a vu sa mission se renforcer. Là où je me suis tue sur Dunkerque, on surveille beaucoup plus les frontières. Donc se retrouver à avoir un poste frontière 24 heures sur 24, ce qui ne se faisait pas avant. L'adjudant Jean-Pierre, natif de la Martinique et réserviste depuis 18 ans, conducteur de bus à Paris, Jean-Pierre consacre même une partie de ses vacances à la réserve. C'est vrai que nous sommes très sollicités. Parce que au niveau des gendarmes de carrière, on vient en appui pour eux, pour leur donner un petit coup de main, de façon pour qu'ils puissent au moins prendre quelques jours de repos, parce qu'ils en ont besoin. 170 civils âgés entre 17 et 45 ans ont participé à cette formation. Un seul mot d'ordre, la solidarité. C'était un reportage de Tiziana Marone. Et Cécile Thomas vous retrouve à 6h50 pour les unes de la presse. À tout à l'heure. Merci. Allez, on fait un point météo, Michael. Il y en a un qui boude. C'est le ciel. Fait la tête. Bah, il nous a offert un beau spectacle hier, le ciel. C'est avec vrai. Cet alignement parfait entre la Terre, le Soleil et la Lune. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, il a décidé, effectivement, de grimacer. Voilà, avec des nuages bien, bien lourds hein, sur la moitié est de l'île. Un ciel bien plombé entre Saint-Denis et Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose, y compris le volcan Salazi et Takamaka. Cette région est soumise aux petites averses aussi depuis la fin de nuit. De l'autre côté, à l'ouest, eh bien, c'est bien mieux entre la Possession et Saint-Pierre, avec un ciel qui sera beaucoup plus dégagé, notamment dans le cirque de Mafate et le cirque du Cielaos et les hauteurs de l'ouest. Ça sera pour le début de matinée. Puis en cours de journée, les hauteurs de l'ouest vont se couvrir de nuages entre Saint-Paul et Saint-Leu. Et puis dans l'est, on aura du mal à retrouver le soleil, même si les éclaircies pourraient revenir. Le vent va souffler fort sur le nord et le sud, 60 à 70 km/h encore aujourd'hui, et températures qui évolueront cet après-midi jusqu'à 26 degrés sur le littoral, sur Saint-Gilles notamment. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Nouveau point de trafic et vous êtes au Camélia. Oui, alors à l'arrière, hein, donc par rapport au marché où se trouve Prisca, c'est oui, le boulevard La Trinité, le boulevard Mondon, ça se traverse pas trop mal. Donc sur une zone qui est toujours en travaux sur le boulevard de Saint-François, donc je rappelle, donc, entre le carrefour Mondon et jusqu'au début du boulevard de la Providence, et les travaux d'enrobé, comme je vous disais tout à l'heure, n'ont pas pu être réalisés, donc est terminé à ce niveau. Et sur le dernier, surtout le kilomètre d'enrobé qui a été fait durant toute cette semaine de nuit, il y a l'absence de marquage, donc attention sur cette partie basse de la route de Saint-François. Peu d'évolution par rapport au trafic et ça roule toujours sur ce boulevard sud, les tranchées, le pont Vincennes dégagé. Vous êtes toujours ralenti après le tunnel, donc à proximité de la caserne Lambert à l'entrée ouest de Saint-Denis. Et puis alors c'est à l'entrée cette fois-ci de la tranchée couverte de Saint-Paul pour vous qui arrivez de la route des Tamarins. Beaucoup moins de difficultés qu'hier après-midi pour les retours de l'éclipse. C'était impressionnant. Se croyait le matin avec des embouteillages étalés sur 2 fois 11 km entre Saint-Paul, la rivière des Galets et puis la route du littoral. Voilà, donc là, on n'en est pas là, donc ça se passe pas trop mal ce matin, avec une chaussée mouillée sur tout le chef-lieu, sur les hauteurs, attention, restez prudents. Une entrée est toujours fluide, avec simplement des zones ralenties entre Sainte-Suzanne jusqu'au plateau de la Mare essentiellement. Très bonne route. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin, avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Un petit déj en photo ce matin sur la page Grand Matin, page Facebook, égale une croisière en bateau avec la personne de votre choix. Exactement, égale aussi place de cinéma. Oui, parce qu'on vous rajoute ça aussi pour ce week-end. Oui. Tout ça, c'est peut-être pour vous, à condition de faire comme Lookman, qui a posté un petit déjeuner bien particulier, un reste de burger d'hier. Ouais. Pas fameux, hein, Lookman, hein, t'aurais pu essayer de faire mieux. On lui a dit, hein, on lui a précisé que c'était pas hyper conventionnel et il l'a mettre à nouer un morceau brioche par d'hier. Voilà. C'est un petit déjeuner bien lourd chez Lookman. À vous de nous dire ce que vous faites, ce que vous prenez vous ce matin avec les collègues, les amis ou peut-être tout seul avec votre tasse de thé ou de café. Mm-hmm. Et bien vous postez tout ça sur la page Facebook Grand Matin, GRN, apostrophe matin. Tout simplement, on embrasse Reynald également. Petit jus de fruits, café, thé, hein, voilà, tout va très bien. C'est beaucoup plus... course. Light. Ah oui, c'est pour le coup, ça fait soft, hein. Ça c'est clair. Bon, ça, c'est le litchi prend son petit-déj aussi, mais pas que. Eh ben non, pas que. Ça lui permet aussi, quand il prend son petit-déj, de se rendre compte que parfois, ben, le thé il marche un petit peu sur la tête. C'est vrai. Un peu beaucoup, même. C'est le zombrocal quotidien, et on va parler, vous savez, des médiums. La couillonis. Ouais. Les médiums, bizarre, ah, on y croit, on n'y croit pas. Chacun son truc. Pas d'apocalypse hier quand la lune la passe devant soleil, ça t'es pas trop déçu Marmaille ? Hein ? Aucun crawl n'était assez couillon pour croire que ça aurait été la fin du monde. Ouais, ça t'y dit ça, mais moi comme il voit des fois dans quel couillonis de Mouni tombe, mais il est pas totalement sûr. L'autre jour par exemple, dans mon boîte aux lettres, m'a tombé sur une publicité. Professeur Guanousouridom, sorcier capable de prévoir votre avenir. Réussite aux examens, vengeance contre les maîtresses de votre boug, retour de l'être aimé avec son argent et son loto, enlève le sort, jette le sort, répare les enfants, soigne l'asthme, le cancer, la mucoviscidose, spécialiste en désenvoûtement, reçoit avec ou sans rendez-vous. Languette ton énen, le bonhomme c'est un mélange entre Harry Potter, Citaran et Dr House. Lilia route l'avenir dans des étoiles et dans le sang volaille, mais vu la qualité, son publicité et le ban fort d'orthographe, a priori, Lilia pas prend option français et informatique pendant son doctorat en devineur. Est-ce que Nademoun l'a déjà appelé ce ban grand sorcier capable de toutes affaires ? Conseil donne une discussion avec un bonhomme comme un. Professeur, mais il est pas bien en ce moment, ma tête y fait mal. Ça, jeune homme, c'est ton collègue de bureau qui t'a jeté un sort. Il faut absolument que je te désenvoûte. Donne-moi 1000 euros et je te guéris. 1000 euros, t'es ? Un paquet d'aspirine nous coûte à moins cher ? Mais là, je vais te libérer des mauvais esprits et restructurer ta tête, jeune homme. Ah, parce que ça fait un mois de la chirurgie esthétique, là ? Tu te trouves pas beau, jeune homme ? Je peux régler ça également. Un volaille plumé avec 2000 euros et je te ferai boire un breuvage qui te fera retrouver ta jeunesse. Bah, dis tout de suite que mini vilain. Et j'imagine qu'avec ma nouvelle tête, m'y sera plus célibataire non plus, c'est ça ? Ah non, ça ce n'est pas garanti. Mais si tu cherches l'amour, je peux te l'apporter, jeune homme. Ramène-moi 3000 euros, un coq et 3 bananes vertes. Et je jetterai un sort à la tantine de ton choix pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Non mais pour ça, je préfère tenter ma chance avec les matantes en boîte de nuit à Saint-Gilles. N'aura bien un femme cougar les suffisamment désespérée pour en sans moins. Et puis de toute façon, sorte avec un tantine, il coûte cher. Si tu veux gagner au loto, c'est aussi possible, jeune homme. Donne-moi 4000 euros, le numéro de ton compte en banque, une tête de cabri et 6 litres de l'eau coco et je te donne les bons numéros. Mais si vous t'es aussi doué que ça, vous n'aurez pas joué les bons numéros ou même ? Ah non, jeune homme. Moi, pour gagner de l'argent, je ne joue pas personnellement avec les esprits. Ah bon ? Non, je préfère compter sur la couillonise de Moon, c'est beaucoup plus sûr. Ah ouais, ça on peut dire. Il n'a pas besoin d'être un grand devineur pour savoir que la couillonise de Moon est sans limite et rapportera toujours d'argent. Oui, jeune homme. D'ailleurs, cette discussion te sera facturée 200 euros. Attention, ouais. Tout peut être facturé, surtout donner pas vos codes de carte bleue, on sait surtout jamais. Surtout pas, faites attention aux arnaques. Allez, à tout de suite. Tu es étudiant ou jeune actif ? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement ? Tu veux te faire un réseau ? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai ! Oh yes ! Yes ! Yes ! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Hey, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle ? Comment ça fait, là ? T'inquiète pas, chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, les bons pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde, papa, sur notre calendrier de ramassage, on en a toutes les informations. Les pas compliqués. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis Officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Il est né à Crouy-sur-Ourcq. près de Paris. Pardon ? Crouy-sur-Ourcq. Il a 21 ans, il s'appelle Navi. Oui. On va l'écouter maintenant, et puis juste après, la une de la presse. Et lui, il écoute du Miles Davis. Ouais. Chacun son truc. Crouy-sur-Ourcq. Ça fait loin. Hein. Il y a du thé. Puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne. C'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. Mon Herbie en coq. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime. Ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. S'afflige des supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le matin, vous écoutez forcément Première, c'est Grand Matin, jusqu'à 8h, 6h51 dans toute la Réunion. C'était Navi avec J'écoute du Miles Davis. Et on va passer aux une de la presse avec Cécile. Aucune surprise, il y aura une de vos journaux locaux ce matin, l'éclipse annulaire du soleil pour le JR et le Quotidien. Oui, magique titre le Quotidien qui a choisi en une de nous faire vivre l'éclipse dans sa durée avec toutes les phases décroissant jusqu'à l'anneau. Des clichés réalisés par Emmanuel Grondin. Plus de 4000 personnes ont assisté au spectacle de l'éclipse depuis le point d'observation central au Gaulle. Et c'est le seul titre aujourd'hui en une du Quotidien. Et même chose d'ailleurs pour le Journal de Lille, un seul titre. Éblouissant, s'exclame le JR en photo, l'anneau de soleil, mais aussi les enfants avec leurs lunettes spéciales sur le nez, les observateurs hyper équipés avec du matériel d'astronomie et des courageux qui ont observé le phénomène au Piton des Neiges. Le JR vous propose ce matin cette page spéciale. Dans la presse des nationales, les Bleus qui s'embrassent en une d'aujourd'hui en France. Ils sont heureux car ils ont gagné grâce notamment à Kurzawa et Giroud. L'équipe de France de football s'est montrée convaincante face à l'Italie avant d'attaquer les éliminatoires du Mondial mardi. Score final face à l'Italie 3-1. Autre titre, cancer des milliers d'opérations inutiles. Une étude révèle que 60% des opérations de la thyroïde ne sont pas nécessaires. Les protocoles sont en train de changer pour privilégier désormais un suivi individualisé de la maladie. Le Figaro s'intéresse aujourd'hui à l'immigration clandestine. Les expulsions en chute libre, titre le journal. Selon un document confidentiel du ministère de l'Intérieur dont le Figaro a eu connaissance, les reconduites à la frontière ont diminué de près de 20% sur 6 mois. Autre titre, la droite face au cas Macron. L'immigration également en une du Monde, mais aux États-Unis. Avec Donald Trump qui campe sur sa ligne anti-immigration à Phoenix mercredi soir, le candidat républicain a une nouvelle fois dénoncé les ravages que causerait l'immigration. Trump a ainsi opposé une fin de non-recevoir à ceux qui espéraient un discours plus rassembleur, orienté vers les minorités. Autre titre, les visages de Najat Vallaud-Belkacem, cible de virulentes critiques. La ministre de l'Éducation fait sa troisième et dernière, se demande le journal Rentrée scolaire. Portrait sans l'éternel sourire d'une ambition politique, écrit Le Monde. La photo à l'honneur dans Libération. Numéro spécial, le Libé des photographes enquête sur la colère des Chinois de Paris. L'agression mortelle d'un des leurs provoque l'exaspération chez les Chinois de la région parisienne. Reportage à Belleville, La Courneuve et Aubervilliers. Visa, un festival d'images fortes, le rendez-vous annuel du photojournalisme à Perpignan raconte l'état du monde à travers 20 expositions. Et puis après les élections au Gabon, la confusion. Les opposants contestent la victoire d'Ali Bongo, suspecté de fraude. La participation dans sa région natale atteindrait 99,93%. C'est un énorme score. Hein. Et puis toujours radieux, ce sont les Bleus pour l'équipe ce matin. Portés par le bel élan né de l'Euro, les Bleus ont réussi leur rentrée amicale. Ils ont préparé idéalement leur important déplacement de mardi prochain en Biélorussie, nous dit l'équipe. Et puis en foot toujours, en Ligue 1 à Nice, Balotelli fascine. Et puis en athlétisme, au meeting de Zurich, Lavillani savoure, écrit l'équipe. Ça va mieux après les JO. Voilà, on est content pour Renaud. Merci Cécile. Retour de l'information à 7h avec Stéphane Hénilorac. C'est l'heure, Mickaël, de l'appel réveil. Le fameux appel réveil. Vous avez une petite pique dans vos cheveux, là, comme ça. Allez, attends, c'est bon. Enlevez-la. C'est bon. Voilà. Ah, tu peux l'enlever, c'est bien. Parfait. Okay, c'est cool. Parfait. Il s'appelle Jean-Christophe, c'est oui, ça. Oui, il est chef. Faut l'appeler chef. Et lui a été autodidacte, quasiment dans son métier. Autodidacte, qui est aujourd'hui installé à La Réunion. Il cuisine pour vos grandes occasions. Il vous apprend également, il peut vous apprendre les bons gestes, les trucs, les astuces pour réussir vos recettes, vos pâtisseries, grâce à des ateliers bien qu'il va animer, par exemple, ce week-end. Bonjour, chef. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous sur La Première. Alors qu'est-ce qui pousse d'une manière générale les gens, aux gens à s'inscrire à ces ateliers? Il y en a de plus en plus pour les enfants, etc. Il y a un vrai attrait pour la cuisine, apprendre à cuisiner, chef? Je pense que les gens aiment bien manger. On en marre un petit peu aussi des fois de manger beaucoup de produits industriels. Et puis aussi le fait de savoir faire ce qu'ils, pouvoir faire eux-mêmes ce qu'ils mangent. Mmh. Donc ils voient de jolies choses à la télé, ils voient les émissions que nous voyons de plus en plus, Masterchef et compagnie, ont permis de démocratiser un peu ça. Et les gens se disent, ben, pourquoi pas moi? Et ils se rendent compte que c'est possible. Je peux apprendre à le faire aussi. Alors le profil de ces personnes, plus de femmes, plus d'hommes, comment ça se passe? Souvent, c'est souvent plus de femmes que d'hommes, même si sans être misogyne, les meilleurs cuisiniers au monde, ce sont des hommes. C'est vrai, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça dépend, Jean-Christophe. Voilà, mais Dépend. Je ne pas là-dedans, mais c'est vrai que ce sont beaucoup des femmes, des jeunes. Des jeunes, qui aiment ça. Puis après, bon, selon les plats, pendant deux jours, il va y avoir des ateliers macarons. Ouais. Quand on fait du sucré, là, les gens veulent venir et dès qu'on parle de sucré, ils aiment ça. Alors justement, les macarons, faut pas se tromper, hein, parce que c'est toute une préparation auparavant. Oui, alors c'est comme tout, il faut être méticuleux et bien peser ce qu'on fait. Mm-hmm. Puis après, c'est une question de geste et puis de chance au niveau du four quand il est bien réglé. S'il n'y a pas de problème de température, normalement le macaron il est pas raté et après on peut le manger. Mm-hmm. Et puis il faut savoir manier la poche à douille là, c'est pas simple ça. Hein, c'est pas très compliqué. Ben, lors des ateliers tout à l'heure, ils vont commencer cet après-midi. Ouais. Je vais demander aux gens s'ils veulent tester un petit peu pour pocher. Oui. Mais c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est comme tout. Oui. Faut un peu d'expérience. Avant de les réussir, j'en ai jeté quelques-uns. Hein. Oui. Combien même à peu 500 près même, hein, non? Ouf. 500, ah oui, quand même. J'ai dû en jeter 200 ou 300, moi. Ouais. Et le 301e, c'était le bon. Ah voilà, c'est important de transmettre son savoir, Jean-Christophe, pour vous? Bah, écoutez, oui, pour moi, c'est normal. C'est comme ça, j'ai apprécié d'apprendre aussi, en regardant et en allant à des ateliers aussi. Mm-hmm. Et la transmission, c'est ce qui permet de faire perdurer les choses. C'est pareil pour la cuisine, comme pour les langues, comme pour autre chose. Ouais. S'il n'y a personne pour transmettre, et bien un jour, il y a tout qui s'arrête et on va tout acheter en boîte, tout fait sans savoir ce qu'on mange et ce serait dommage. Ben voilà, donc ces ateliers ce week-end du côté de Sainte-Marie. C'est dans la galerie marchande de Jumbo Score. Vous avez, ce sont les commerçants qui organisent ça. Il y a un, alors moi, je suis pas dans la galerie, je suis dans un magasin qui vend des ustensiles de cuisine. D'accord. Okay. D'accord. Et ça commence ce soir. Et ça commence ce soir. À 17h30, le premier atelier, 21h le deuxième. Et demain, il y en a trois, 11h, 14h30 et 17h. Ce sont des ateliers gratuits, donc les gens viennent. C'est gratuit. Après, moi, à côté, effectivement, s'ils veulent acheter des macarons, des moelleux au chocolat, du cannelé, des choses, il y a d'autres produits. Si vous êtes gourmand et que vous voulez vous faire plaisir, rendez-vous donc ce week-end du côté de la galerie commerciale de Sainte-Marie. Merci beaucoup, chef. Bonne journée. Merci. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Allez, on file à Vincennes les pronostics de Pascal Maillot aujourd'hui. Exactement, pour le prix Lampetia ce soir, 22h35. Pascal Maillot vous conseille le 14, le 8, le 16, le 5, le 15, le 12, le 13, le 17, 14, 8, 16, 5, 15, 12, 13, 17. Et en cas de non partant, l'as, n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir jouant. Responsable. Vous êtes du côté de la Délivrance, Yves. Avec un pont en face de l'église de la Délivrance, un pont qui est à sens unique depuis quelques semaines, même de très nombreuses semaines, donc avec ses travaux donc de réfection de l'ouvrage au-dessus de la rivière Saint-Denis. La rue du pont, donc de 6h à 14h30, vous ne pouvez que circuler dans le sens descendant en provenance de la montagne pour aller vers le bas de la rivière et inversement l'après-midi. Je reviens sur les accidents, puisque ici je vous ai parlé de cet accident sans trop de gravité, par même si c'était un accident avec un piéton sur une 4 voies cette nuit vers 3h du matin entre Saint-Pierre et Saint-Louis. Un Gramoun, lui, a été plus sérieusement touché, même gravement touché. Ça s'est passé un peu plus tard, vers 4h du matin. C'était en traversée de Bras-Panon, à proximité du giratoire du chemin des limites. Et donc c'est un poids lourd qui est venu percuter ce Gramoun. Tôt ce matin, donc un blessé grave, transporté, c'était cette nuit. Voilà, attention au trafic un peu plus dense, forcément, sur la route littorale notamment, puisque le bouchon démarre au virage du gouffre. Pas de changement dans l'ouest, c'est toujours à l'entrée la tranchée couverte de Saint-Paul, et ça roule encore sur le littoral en bas. Le pont Vinsane est encombré ici sur Saint-Denis, tranchée côté montagne pas loin d'être également bien pleine. Et puis côté est, l'entrée est elle-même relativement roulante, les difficultés entre la marine de Sainte-Suzanne jusqu'au niveau du plateau de la Mare. Rendez-vous tout à l'heure, Yves, il est 7h. C'est l'heure du journal avec Stéphane et Nilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Développer le tourisme dans l'Est, ou du moins apporter des idées pour le faire, c'est la mission d'élèves de BTS de Sainte-Suzanne. Ils ont signé un partenariat hier avec la ville de Saint-Benoît. Reportage dès le début de ce journal. Le tourisme sur les plages, en revanche, a pris un coup certain après l'attaque de requins de la semaine dernière. Alors qu'un collectif veut porter plainte contre le jeune surfeur, d'autres demandent une récompense pour le maître nageur sauveteur blessé pendant le drame. Pourquoi pas un CDI. Un magnifique, magique, splendide. Vous étiez des milliers à admirer l'éclipse annulaire hier un peu partout sur l'île. Réaction à suivre d'étudiants Saint-Pierrois et d'un graffeur bénédictin inspiré par le croissant de soleil. À 7h15, l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit Didier Debals, porte-parole du CYPER, le syndicat alternatif des instituteurs et des professeurs des écoles de La Réunion. Il sera notamment question du fiasco pédagogique de cette éclipse. Le développement du tourisme à La Réunion, certains s'y sont attelés, mais beaucoup ont échoué. Alors pour obtenir de meilleurs résultats, pourquoi pas une cure de jouvence en faisant par exemple appel à des étudiants. Hier, les premières années du BTS agricole développement et animation des territoires ruraux du lycée Cluny de Sainte-Suzanne ont signé un partenariat avec la ville de Saint-Benoît. Leur mission, réaliser une étude de marché touristique sur la commune de l'Est. Un challenge motivant pour ces étudiants que Johanna de Mandorassi a rencontré. Écoutez son reportage. Étudier l'offre de tourisme sur Saint-Benoît, identifier des pistes pour le développement du secteur, le travail qui attend les premières années du BTS agricole, développement, animation des territoires ruraux. Un travail qui va amener ses étudiants sur le terrain. Agnès Técher est enseignante au sein du BTS. Ça sera des enquêtes auprès des habitants, auprès aussi des professionnels de tourisme, les habitants pour savoir leurs attentes, leurs besoins. Pareil pour les professionnels de tourisme. Aller à la rencontre des habitants et des professionnels, une perspective qui enchante déjà Virginie et Thomas. Être enfermé dans une classe, c'est pas pareil. Alors là, on va à la rencontre vraiment des personnes concernées et c'est ça qui est bien. Notre formation, on est amené à justement à monter beaucoup de projets et être beaucoup sur le terrain. C'est très intéressant. Ces étudiants devront ensuite établir un diagnostic qui va aboutir à des décisions pour améliorer le tourisme à Saint-Benoît, selon Jean-Max Govindasamy, le directeur de la stratégie économique et touristique de la ville. On verra bien évidemment prendre en compte les retombées de ces travaux. Je pense qu'il y aura des pistes d'action intéressantes en faveur du développement touristique de Saint-Benoît. L'enjeu est donc important pour la commune de Saint-Benoît, mais ça l'est également pour ces étudiants qui sont plus que motivés pour mener à bien ce projet. Participer au développement de sa propre île, c'est une fierté, en fait la fierté réunionnaise. C'est une expérience que j'aime bien et en plus ça fait partie de ma personnalité. Un reportage signé Johan Adamadorassi. Se tourner vers le tourisme vert, le tourisme dans les hauts, une bonne idée effectivement, surtout quand on sait que l'image des plages et de la mer réunionnaise a encore été écornée avec la dernière attaque de requins. 2 blessés, on vous le rappelle, lors de ce drame de samedi dernier à Boucan. 1 grave, la victime, le surfeur de 21 ans, et 1 blessé léger, le maître nageur sauveteur qui n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour lui venir en aide. Et Bertrand Babeuf est toujours hospitalisé, mais il va mieux et a reçu des dizaines de messages d'encouragement et de prompt rétablissement. MNS, depuis 4 ans, il est en contrat à durée déterminée, mais cela pourrait vite évoluer selon Jean-Marc Or, adjoint à la sécurité à la mairie de Saint-Paul. S'il faut défendre une CDIsation, je dirais oui. Je défendrai en tant qu'élu une CDIsation que j'appelle récompense en termes général. De mon côté, j'ai demandé au maire et j'ai demandé au sous-préfet, comme je dis aussi avec monsieur le sous-préfet, il a eu un grand courage parce qu'il était blessé avant d'intervenir. Donc c'est vrai dans l'intervention, mais avant de récupérer la personne, la victime, il était déjà blessé. Il a pris son courage à deux mains, il a mis sa fonction de sauveteur et il est parti au secours de la victime. Et heureusement, en arrivant sur la plage, il y avait 2 personnes qui l'a secouru aussi à ce moment-là. Jean-Marc Or, adjoint à la sécurité à la mairie de Saint-Paul avec Hubert Debeu. Et les commerçants de Boucan dans tout ça, qui va les sauver? Depuis l'attaque, ils déplorent une baisse de fréquentation et une chute de leurs activités. En cause, selon eux, cet accident provoqué par l'imprudence d'un surfeur. Les commerçants veulent donc monter un collectif pour porter plainte contre lui. Une plainte cependant difficilement recevable selon un avocat contacté par nos soins. Justice, toujours lui, risque d'écoper de 3 ans de prison ferme et de se voir interdire la gestion d'une société et la profession de garagiste. C'est la peine requise hier contre Dominique Dejean, ce garagiste marron de 50 ans, qui a trompé une trentaine de clients. Il leur faisait croire qu'il changeait le moteur de leur voiture alors qu'il remontait le même moteur après un simple nettoyage et qui donnait l'aspect du neuf. Dominique Dejean est également accusé d'abus de biens sociaux. Et malgré tout, maître Guillaume Albon, son avocat, estime la peine de 3 ans ferme exagérée. Bien évidemment, il y a aujourd'hui, il y a des faits qui sont reconnus, qui méritent une sanction. Nous, on ne conteste pas ça. Mais il y a quand même une peine qui est beaucoup trop sévère et qui est le reflet, finalement, d'un dossier qui a été un peu, on va dire, exagéré. Exagéré parce que c'est vrai qu'au début, quand l'enquête commence, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Mais ensuite, il ne faut pas non plus nécessairement essayer de faire rentrer toutes les doléances des clients dans des catégories pénales. Et le droit civil est là pour ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qui n'ont pas pu récupérer leur véhicule. Mais c'est pas une faute pénale. C'est pas de la faute de monsieur Dejean s'ils ont pas pu récupérer leur véhicule. Maître Guillaume Albon au micro de Pierre Comorassami. Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre prochain. Le soleil avait rendez-vous avec la lune hier, un rendez-vous que vous avez pu assister par milliers. Nord, sud, est, ouest, les conditions n'étaient pas les mêmes partout, mais l'émerveillement, lui, était le même devant ce phénomène de la nature. À l'IUT de Saint-Pierre, c'était l'occasion aussi de faire la fête. Éclipse partie tout l'après-midi avec entre autres 2 DJ. En amont, les étudiants ont été formés par Science Réunion pour l'aspect scientifique du phénomène. Sur les 550 inscrits, ils ont été nombreux à venir dans leur IUT pour apprécier l'éclipse. Et très enthousiaste, quelques réactions recueillies par Sophie Persson. On voit bien, ouais. Mais franchement, c'est magnifique et tout. J'aime bien. Il y a l'ambiance et tout, on est obligé de danser et tout. C'est beau. Enfin, c'est un spectacle qu'on n'a pas le droit tous les jours. Il commence à faire froid aussi, voilà. Et c'est à voir, c'est à vivre. En fait, c'est bizarre parce que on a l'impression que le temps est couvert, mais en fait, c'est tout dégagé. C'est juste le fait que la lune elle soit devant que. Bah... Ça devrait être comme ça tout le temps. La prochaine, c'est dans très longtemps, donc on est un peu privilégié de pouvoir voir ça. C'est super, énorme. on a l'occasion de voir ça et tout. Je suis vraiment content. On peut pas voir ça d'habitude, donc ouais, c'est super cool. Bah, j'aurais préféré qu'il fasse plus nuit, mais ça va. Des élèves de l'IUT de Saint-Pierre ravis, et dans les écoles maternelles et primaires en revanche c'était bien plus compliqué. On en parle depuis quelques jours déjà, entre la crainte d'accident et la grève des enseignants, beaucoup d'entre elles ont préféré ne pas accueillir les marmailles hier. Selon le rectorat, le nombre de grévistes dans les écoles primaires était cependant moins fort qu'attendu, avec un taux de 16,8%. Et puis concernant toujours cette éclipse, restez bien branchés sur Réunion Première ce midi. Après le journal, une émission spéciale dans les coulisses, réalisé par Loïs Mussard. C'est la fin de cette édition. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec Édouard Marguier de France Info. Les buteurs de la soirée sont Martial, Giroud et Kurzawa. L'équipe de France de football a remporté son match amical hier soir contre l'Italie, 3-1. Une belle préparation en vue du premier match de qualification pour le Mondial dans 2 ans. Ce match de préparation, c'est mardi en Biélorussie. La marque Philips va supprimer 230 emplois sur ses 2 derniers sites de production d'éclairage en France, dont celui d'Amode Beuvron dans le Loir-et-Cher. Selon les syndicats, ce site va même fermer. Le site de Miribel dans l'Ain est également concerné par ces suppressions de postes, des postes qui doivent être supprimés pour être délocalisés en Pologne et en Espagne. L'industrie, François Hollande abordera ce sujet avec Angela Merkel aux rencontres franco-allemandes d'Evian. Aujourd'hui, les 2 chefs d'État seront face à une 40aine de patrons français et parleront économie et partenariats commerciaux. Emmanuel Macron joue la montre. Le fondateur du mouvement En Marche a fait sa première sortie en public depuis sa démission du ministère de l'économie. Il était en visite hier à la foire agricole de Châlons-en-Champagne. À la question « Serez-vous candidat à la présidentielle ?», Emmanuel Macron a répondu « J'ai le droit d'être le maître des horloges. » Les familles des victimes de l'attentat de Nice lancent un appel aux dons. Certaines d'entre elles sont en grande difficulté financière, selon l'association Promenade des Anges, qui en appelle à la générosité de tous, alors qu'une rencontre est prévue aujourd'hui à Nice avec la secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Autre rendez-vous important de la journée, Bernard Cazeneuve retourne dans la jungle de Calais, dans le Nord. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la poursuite du démantèlement de ce camp de migrants. Il l'a fait dans une interview à Nord-Éclair. Et ce démantèlement se fera par étapes, a-t-il précisé. Il propose de commencer par créer davantage de places d'hébergement en France afin de désengorger cette jungle ouverte depuis le printemps 2015. La crise au Gabon se poursuit. Elle a démarré mercredi après la réélection du président Ali Bongo. Son opposant Jean Ping conteste. Encore hier, il y a eu des émeutes à Libreville, la capitale. Une 20aine de leaders de l'opposition sont toujours retenus au QG de campagne de Jean Ping. Et cette nuit, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, réunis à huis clos, ont fait part de leurs préoccupations. Les habitants de la Floride, sur la côte est des États-Unis, se préparent à de lourds dégâts. Hermine va souffler en début de matinée vers 8h, heure française. Cette tempête tropicale est devenue ouragan. Les vents vont souffler entre 150 et 180 km/h. Les autorités craignent également une forte montée des eaux. Il est 7h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, côté météo, ce sera gris pour l'est, bleu pour l'ouest. Oui, et là où il y aura plus de bleu pour vous réveiller ou peut-être commencer votre début de journée, eh bien, il fera plus frais. 4 à 12 degrés sur les hauteurs ce matin, 4 seulement par exemple au Maïdo, 16 à 19 sur le littoral, 18 à Saint-Gilles et 17 à Saint-Pierre. Le soleil va s'imposer donc une bonne partie de la matinée sur l'ouest de l'île. Alors que sur la moitié est, entre Saint-Denis et la région de Saint-Philippe, c'est vraiment la soupe à la grimace, aussi bien sur les hauteurs que sur le littoral, y compris le volcan. On coupe la Réunion en deux. De l'autre côté, par contre, de belles éclaircies jusqu'à l'arrivée des nuages entre Saint-Paul et Saint-Leu, qui pourraient donc faire grisonner un peu le ciel. Quelques gouttes pourraient s'échapper des nuages et déborder aussi temporairement sur le littoral. Tandis que de l'autre côté, on retrouvera des éclaircies, mais enfin surtout sur le littoral. Sur les hauteurs, sera encore bien bouché, notamment au volcan. Dans les cirques, ça se passera plutôt pas mal. Les plaines auront le droit à leur lot de nuages aussi. En cours de journée, puis le vent soufflera toujours 60-70 km/h sur Saint-Pierre et Saint-Denis, et la mer sera forte entre Saint-Leu et Sainte-Rose. Prudence. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. On rejoint Yves Gruyer tout de suite. Prenez la route en toute sécurité avec Total et Inforoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et il y a un véhicule arrêté sur la 4 voies de l'étang salé, sur la voie de gauche. Oui, il est mal placé, hein, donc il a éclaté son pneu, il ne peut pas bouger. Hein, donc il a arrêté voie de gauche, c'est le secteur des sables étang salé entre le Gol et la route des Tamarins. Prudence, hein, si vous circulez en direction du nord, puisque c'est dans ce sens que le véhicule est immobilisé, on ne peut pas bouger. Donc attention, en attendant qu'une patrouille vienne sécuriser le secteur et qu'on puisse circuler à nouveau à peu près normalement, soit en poussant le véhicule, soit en réparant cette roue. Oui, vigilance. Le trafic sans changement pour la partie ouest, toujours ces ralentissements, simplement à hauteur de l'entrée de la tranchée couverte de Saint-Paul, donc c'est plutôt modéré comme bouchon. Roue du littoral, c'est à hauteur du radar, donc entre la ravine Ajac et le virage du gouffre pour le début des ralentissements, mais attention, il y a du monde dans la montée U2 avant le pont Vinsan, avant l'échangeur de la montagne d'ailleurs, la partie ouest du boulevard sud assez encombrée, la tranchée côté montagne est pleine d'ailleurs, et puis l'entrée est forcément, ça c'est compliqué à cette heure-ci, des ralentissements depuis le secteur de Ravine des Chèvres jusqu'au front de mer de Saint-Denis. Et attention, voilà, ici, route sèche déjà, hein, donc au niveau du boulevard Gaston-Malerville, sur la partie basse de Belle-Pierre pour rejoindre le lycée de Belle-Pierre. Et il pleut par contre toujours sur Saint-Benoît, la chaussée mouillée là-bas. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. À suivre l'invité de Grand Matin, Didier Debals, du syndicat alternatif des instituteurs et des professeurs des écoles de La Réunion. C'est reparti pour la troisième édition du salon Run in Tech, les 7 et 8 septembre prochains, le rendez-vous annuel du numérique réunionnais. 70 conférences, 50 exposants, 50 ateliers, 40 étudiants et deux concours inédits avec une thématique sur la mise en valeur des savoir-faire locaux en termes d'innovation. Un salon par les professionnels, pour les professionnels. Réunion Première vous fera vivre cette manifestation en direct depuis un hôtel de la Côte Ouest, les 7 et 8 septembre prochains de 10h à 18h. Inscription gratuite sur www.runintech.com. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le Pandathlon, c'est une marche pour la Réunion, pour la planète, organisée par le WWF France et la Région Réunion. Le Pandathlon, c'est allier sport, convivialité et le respect de la nature. Alors, allons marcher ensemble pour préserver notre patrimoine naturel. En tant qu'ambassadrice de la nature réunionnaise, je soutiens cet événement qui participe à promouvoir les beautés de mon île. Marche dans notre Gaïa nature, c'est une chance. Alors nous comptons sur bien autant paquet en Pundiak en quantité pour le Pandathlon. Mais attendez autres. Dimanche 11 septembre, participez au Pandathlon 2016 à Brapanon. Inscrivez-vous jusqu'au 3 septembre sur www.régionreunion.com. Je marche pour la Réunion, je marche pour la planète. Et il est 7h16 sur Première, comme tous les jours du lundi au vendredi, l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous me suivez sur Réunion Première Radio et Internet sur réunion.lapremière.fr. Et votre invité ce matin est Didier Debals, porte-parole du SAIPER, le syndicat alternatif des instituteurs et des professeurs des écoles de La Réunion. Didier Debals, bonjour. Bonjour. Vous étiez où hier entre 14h09 et 14h11? Bah, je regardais l'éclipse comme tout le monde, hein, chez moi. Comme tout le monde, mais pas comme certains élèves qui auraient pu l'observer avec leur professeur. Alors ça, ça pose la question de ce qui s'est passé. Nous, on pense qu'effectivement, il y a une... Enfin, il faut revenir au début, hein, c'est-à-dire qu'on a été... On souhaitait pas, d'ailleurs je l'ai dit au recteur, qu'on n'allait pas l'embêter sur la question quelques jours avant. Et on n'était pas parti pour déposer un préavis, mais on a été submergé par une demande des enseignants et de nos adhérents, mais pas que de nos adhérents, des enseignants qui depuis des mois nous disent qu'est-ce qu'on fait sur cette éclipse, qu'est-ce qu'on fait sur cette éclipse. Donc nous, on est une organisation qui est réceptive à ce que disent nos collègues, nos adhérents, et donc on a effectivement déposé un préavis pour soutenir, mais en même temps, on soutient les gens qui ont fait l'éclipse. Submergé par des demandes, et pourtant, cette grève, c'est un flop quand même, non ? 16,8% de grévistes seulement, d'après le rectorat. Il y a eu 60% d'intention de grève, c'est-à-dire que il n'y a jamais eu, depuis la mise en place du service minimum, dans les écoles, autant d'intentions de grève. Alors, effectivement, mais des intentions qui ne se sont pas traduites ensuite dans les faits, vous le reconnaissez ? Sûr, pour plusieurs raisons. Mais d'abord, le problème, ce n'est pas la grève. On ne fait pas une grève pour une éclipse. Enfin, je veux dire, nous, il y a une réforme des collèges qui est une vraie catastrophe. Mais là, on parle de l'éclipse. La loi Khomri, etc. Vous avez fait grève contre la loi El Khomri ? Contre la non, réforme on du pas collège. Fait la, on n'a pas fait grève là, mais je veux dire qu'il y a d'autres problèmes plus importants que la question de l'éclipse. Il reste que ce que les enseignants ont voulu montrer, c'est qu'effectivement, ils étaient en insécurité. Et il y a vraiment un problème pour les enseignants du premier degré, parce que les enseignants du premier degré, ils sont agressés tous les jours par des parents, etc., que quand on va voir la hiérarchie, surtout ne portez pas plainte, c'est un problème de communication, c'est votre faute, etc. C'est tout ça, si vous voulez, qu'aujourd'hui, qui apparaît autour de cette question d'éclipse. Mais ça, vous n'en avez pas parlé avant l'éclipse? Ce que je reviens là-dessus, c'est, évidemment, il y a toute une série de mairies qui ont fermé les écoles. Alors forcément, quand ils ferment les écoles, il n'y a plus de grévistes. Mais c'est normal. Didier Debal, donc, c'est ne revenons pas sur la question du taux de grévistes, c'est pas ça. Je veux dire, il y a un malaise des enseignants du premier degré à la Réunion. Mais est-ce et c'est à ce malaise-là ça, c'est la que question... l'administration ne répond pas. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose, justement, Didier Debal. Vous êtes en train de nous parler de vos problèmes quotidiens que tout le monde peut entendre, mais qu'on les exprime le jour d'un événement mondial rarissime. Il faudra attendre 2267 pour revivre ça. Est-ce que ça valait le coup, vraiment ? Nous écoutons ce que disent nos adhérents et les gens de la base. Nous sommes un syndicat autogestionnaire, c'est bien, et un syndicat local, un syndicat réunionnais. C'est bien ça la différence. On n'est pas les seuls, la CFTC aussi a eu la même démarche que nous, parce qu'elle aussi est une organisation réunionnaise. Nous ne sommes pas une organisation nationale, Paris ne commande pas nous. Donc nous décidons localement. Et vu nous étions submergés effectivement, nous avons décidé de protéger les collègues, puisque l'État, l'administration ne nous défend pas, ne nous protège pas, alors nous avons déposé ce préavis pour protéger les collègues. Alors cette éclipse, ça fait un an que le rectorat la prépare avec les passionnés d'astronomie aussi, comme Michel Vignon. Michel Vignon, très remonté contre la grève. Quand on a un événement comme celui-là, on ne se permet pas de dire qu'on va prendre un jour de repos, de maladie ou faire grève. Là, les deux syndicats primaires, ils sont peut-être en concurrence aussi, c'est peut-être pour la raison. Pour dire très clairement les choses, il y en a un qui, au mois de juin, a envoyé une lettre au recteur à l'issue de sa condamnation de l'éclipse et des dangers qu'elle représentait, et conseillait au recteur de fermer l'école. Vous appelez ça un syndicat enseignant, je leur demande d'enlever le mot éducation de leur sigle, parce que c'est pas de l'éducation. Un coup de gueule recueilli par Loïs Mussard. Votre réponse à Michel Vignon. Je m'y attendais. Que ce monsieur s'occupe d'astronomie et qu'il laisse les professionnels s'occuper des enfants. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un aspect pédagogique important derrière cet événement ? C'est le problème des enseignants. Les enseignants savent plus que monsieur Vignon ce qu'il faut faire avec les enfants. Vous ne pensez pas que monsieur Vignon a la passion de transmettre... Qui s'occupe de l'astronomie, il reste dans son secteur. Laissons-nous faire, nous, notre travail avec les élèves. Est-ce que vous avez fait grève pour vous démarquer d'autres syndicats qui, eux, n'ont pas lancé... Absolument pas, rien à voir avec ces questions-là. Je ne réponds pas à ce type de questions. Et la lettre au rectorat pour réclamer la fermeture des écoles, c'est vous ou pas ? Ma connaissance, nous n'avons pas demandé, enfin à l'époque, il y a deux mois, c'est ça, c'est bien ce qui au mois de juin. Au mois de juin, on n'a pas demandé. Nous n'avons pas demandé la fermeture des écoles. Ça a été un débat entre nos diverses organisations syndicales. SNUDIFO nous avait aidés d'ailleurs dans ce mode de grève. J'ai parlé de la CFTC, mais aussi le SNUDIFO. C'est une petite divergence, une petite nuance d'appréciation. Nous n'avons pas demandé la fermeture des écoles. Nous étions pour. Mais le problème, c'est l'impréparation. Et c'est le problème aussi entre l'État et les collectivités locales. Vous savez, il y a un service minimum. Il y a un service minimum. Il y a une loi qui, ici, à La Réunion, n'est pas appliquée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a 25% d'enseignants qui se mettent en grève, les collectivités locales doivent suppléer et envoyer des animateurs, payés par l'État par ailleurs. Et ça ne se fait pas. Alors dans les écoles où les enseignants ont observé l'éclipse avec leurs élèves, ça a donné lieu à un grand moment de partage, c'était un peu la fête. Cette fête, vous n'avez pas l'impression de l'avoir complètement gâchée, là où les cours ont été annulés ? Mais c'est pas notre responsabilité. Moi, dans ma propre école, il y a trois collègues qui ont participé. Je les ai aidés à faire cette chose-là. Je veux dire qu'il y a, il y a aucun problème sur ça. Nous, on a défendu nos collègues. Il y a des dirigeants du Cyper qui étaient pas en grève ou qui étaient en grève et qui étaient avec leurs élèves et qui ont fait le travail. C'est pas un problème pour nous. C'est pas la question de ça. Ça veut dire que vous n'étiez pas tous d'accord entre vous, alors? Non, ce sont simplement des nuances d'appréciation sur, mais c'est pas appel à la grève, pas la grève. Je veux dire que nous, on était pour effectivement qu'il se passe, que l'éclipse soit vue par les enfants. Mais c'est parce pas que c'est le tous problème. Les deux sens, ça mais mérite pas un peu de souplesse dans l'organisation d'une journée aussi spéciale. Nous écoutons ce que disent notre base, nos adhérents, nos sympathisants et les enseignants. C'est ça la question. C'est pas problème d'aspect tactique, stratégique ou je sais pas quoi. C'est pas du tout notre problème. Nous sommes la première organisation du premier degré aujourd'hui. Nous sommes une organisation responsable et nous écoutons effectivement nos adhérents. Responsable. On entend beaucoup quand même. Il y a un mot qui revient souvent, Didier Debals, sur les réseaux sociaux, notamment le mot égoïsme à propos de l'attitude des grévistes. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est les enseignants qui décident à la base. Donc c'est simplement pour couvrir les enseignants par rapport à des inquiétudes. Je veux dire, après, on a demandé depuis des mois, y compris d'autres organisations syndicales, le SEUNSA et le SGEN CFDT, par exemple, ont aussi demandé à ce qu'on ait une sécurité, que le DAZEN, que l'inspecteur d'académie, nous dise qu'il allait soutenir s'il allait avoir des parents qui allaient se retourner contre nous pour un problème Dieu, etc. Ça a été fait au dernier moment, et encore, c'est toujours la même phrase, c'est-à-dire que l'État se substitue aux enseignants pour la sécurité, mais l'État peut se retourner contre vous. Et malheureusement, on a d'autres affaires, la DRAC et tout en métropole, où il y a des directeurs qui aujourd'hui sont en prison. Est-ce que vous reconnaissez que la journée d'hier s'est très bien passée, là où il y a eu des cours, qu'il y a eu zéro problème? Mais lorsqu'effectivement ça s'est passé correctement, il n'y a pas eu de... Et on ne pouvait pas le prévoir avant que ça se passerait bien. Mais, est-ce que c'est finalement... Il n'y avait pas moyen d'assurer la sécurité des enfants en gardant les horaires habituels? L'éclipse, elle se passait sur les heures de cours. Pourquoi les écoles ont été fermées? Ah mais toutes les écoles n'ont pas été fermées. C'est les mairies qui ont décidé de fermer les écoles, c'est pas nous. Je vous dis, il y a un service minimum qui doit être appliqué. C'est loin d'être partout. Donc, en revanche, le mouvement couvrait toutes les écoles. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que la responsabilité des enseignants, il y a aussi le problème des collectivités locales. Et le problème, ce qu'on dit, c'est que ça n'a pas été fait en amont. Vous mettez en avant les questions de responsabilité, ça on veut bien l'entendre. Il y a aussi la question quand même de l'aspect pédagogique. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui vous reprochent d'avoir privé les enfants de travaux pratiques absolument rarissimes? Le problème, c'est que dans le premier degré, et ça je crois qu'au niveau de l'État on n'a pas compris, il y a une co-gestion entre les collectivités locales et l'éducation nationale, entre la fonction publique d'État, notamment entre midi et deux. Mais est-ce que vous avez compris? Moi je vous pose la question, est-ce que vous avez compris l'intérêt pédagogique d'une journée comme celle-là? La responsabilité, c'est la mairie, c'est pas les enseignants. Pour beaucoup de gens. Donc, y compris quand les enseignants ont pris, ils l'ont pris sur leur propre responsabilité, ils n'ont pas pris les enfants. Mais ça pose des problèmes de responsabilité. C'est la mairie qui est responsable. Et c'est ça qui n'a pas été... Le travail aurait dû être fait l'année dernière entre l'État, le rectorat. Le rectorat, il a fait globalement son boulot par rapport au travail pédagogique pour les enseignants. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le travail qui n'a pas été fait entre les rectas, le rectorat, la préfecture et les collectivités locales. Vous avez des réponses très administratives par rapport à un événement mondial. Parce que, par mondial. Exemple, les personnels communaux n'avaient pas de lunettes dans certains endroits. Est-ce que ce n'est pas une occasion ratée de tisser des liens aussi entre les profs et les élèves, de faire un travail en osmose? Et mais ça une dynamique aussi. Ça a été fait par des enseignants, je vous dis, dans une série d'écoles. Ça a été fait par certains, mais certains même se sont mis en grève et ont fait quand même le travail avec leurs élèves. C'est pas là le problème. Le problème, je vous dis, c'est le malaise des enseignants du premier degré à La Réunion. Je pense qu'à Métropole, il y a un Mais encore une fois, est-ce que c'était le jour pour l'exprimer? Le jour d'une éclipse qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Et encore... C'est pas vous qui décidez, M. Dormier. Ce sont les enseignants et nos adhérents qui nous dictent ce que nous devons en faire. Nous avons répondu à leurs demandes. Les enseignants qui auraient fait grève à cause des heures supplémentaires aussi, on en parle. Ces heures, elles seront récupérées sur le temps de formation, c'est prévu par le rectorat, ça? Oui. Est-ce que ça faisait partie des raisons réelles de faire grève? Non. Parce que ça, c'est... Certains l'ont avancé, cette raison aussi. Donc, Non, enfin, en tout cas, pour moi, non, c'est pas un problème, non. Et vous pensez, alors, vous, c'est plus la question de la responsabilité, de la sécurité, vous pensez que les enfants étaient vraiment plus en sécurité chez eux, puisque votre intérêt, c'est la sécurité de l'enfant. Bon. Il y a des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, chez eux, les parents travaillaient. Vous pensez qu'ils étaient en sécurité, ces enfants-là? Notre astronome, M. Spoutnik, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a dit qu'effectivement, ce n'était pas si mal que ça, qu'au tampon, et ils aillent voir ça avec leurs parents. Individuellement. Vous parlez d'André Tiennacoun? Non, je parle, enfin, de la mairie du Tampon. Je parle de l'astronome, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, le maire du Tampon a dit que... C'est M. Spoutnik, celui qui, vous savez, qui envoie les chis dans les étoiles. Ah, Guy Pignolet. Guy Pignolet, vous l'appelez M. Spoutnik. Oui, voilà. C'est amical. Oui, tout à fait. Non, mais je trouvais qu'il avait une réaction Plus sérieusement, c'est vrai qu'André Tianaku nous a dit, à ce même micro, que les enfants seront tout à fait en sécurité avec les parents. On a l'impression que, du coup, il met sur le même niveau les parents et les enseignants. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème, ça? C'est la responsabilité des collectivités locales, encore une fois. Et si vous voulez, il y aurait dû y avoir une réunion auparavant pour bien préparer cet événement avec l'ensemble des collectivités locales. Et si ça avait été bien préparé, il n'y aurait pas eu de préavis de grève, il n'y aurait pas eu de grève. On a compris que c'était la responsabilité des collectivités locales. Merci. Pas que des collectivités locales, c'est de l'État et des collectivités locales ensemble. Didier Debalse, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Merci à vous, Philippe Dornier-Rosselier. Didier Debalse, porte-parole du SAIPER, le syndicat alternatif des instituteurs et des professeurs des écoles de La Réunion. Et les 7h28 dans toute La Réunion. Bon réveil si vous réveillez en ce moment. Bon début de journée, bonne route aussi pour ceux qui y sont. Et dans un instant, on fait un point trafic en compagnie d'Yves Gruyer. Lilywood and the Brick, Prayer in Sea, sur Première dans Grand Matin. Bienvenue. Continue cette matinale avec l'inforoute, forcément l'info trafic. Yves Gruyer nous attend. Il est sur la route de Saint-François. Oui, à borne 1, au niveau de la centrale EDF, là, il y a à la fois l'enrobé 9, mais également de la peinture, jusqu'à la rue du Verger. Puis ensuite, bah, il y a l'enrobé 9, mais sans peinture. Et puis la dernière partie, sur le boulevard Saint-François, avant la rue d'Audet, et bien là, c'est sans enrobé. Et il faudra attendre sans doute milieu de la semaine prochaine, parce qu'en fait, il y a une traversée de chaussée à réaliser, un réseau d'eau pluviale à faire. Ce ne sera pas fait avant mardi. Donc il faudra donc attendre que ces travaux soient réalisés pour faire la fin de ce chantier en enrobé. Voilà, ça c'est pour la partie de Saint-François. En ce qui concerne la route, les embouteillages, attention, le véhicule est toujours en panne, enfin toujours immobilisé avec son pneu éclaté sur la 4 voies à hauteur des Sables, à l'étang Salé dans le sens sud-nord. Restez prudents, il y a une patrouille bien sûr qui protège ce véhicule. Vous êtes ralenti à hauteur toujours de la tranchée couverte de Plateau Caillou, donc ça se passe pas trop mal, mais il y a un peu plus de monde au niveau de Boucan pour redescendre vers le Cap Laoussé en ce moment. La route du littoral, virage du gouffre pour les premiers ralentissements. Provinciane des tranchées, c'est plein. Côté est, c'est plein. Attention, il commence à pleuvoir du côté de Sainte-Marie. Il pleut toujours à Saint-Benoît. Il y a un gros trafic à ce niveau. Très bonne route et restez prudents sous la pluie. Rendez-vous dans 10 minutes, Yves. 7h30 sur la Première. Et c'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Des commerçants de Boucan-Canot souhaitent attaquer en justice le surfeur mordu par un requin samedi. Ils s'organisent en collectif pour dénoncer son imprudence qui n'est pas sans conséquence sur leur activité. Nous ferons le point avec Nadine Bachelot. Dans quel état se trouve le filet de protection de la baignade à Boucan-Canot? Une question qui reste sans réponse pour l'instant. Trop de houle pour inspecter en mer. Le filet ne serait peut-être pas troué. Deux pans seraient détachés. Il arnaquait ses clients, un garagiste marron devant la justice. 3 ans de prison ont été requis, reportage dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur l'éclipse annulaire du soleil qui a fortement animé la Réunion hier. La Réunion et Mayotte, nous l'entendrons.

4000 personnes au Gol à Saint-Louis. Le rendez-vous entre les Réunionnais, la Lune et le Soleil a bien eu lieu. Ciel dégagé au village de l'Éclipse installé sur place et une observation dans les meilleures conditions possibles. À Saint-Denis, le lycée Lecomte de Lille avait organisé une journée spéciale pour permettre aux élèves de ne rien rater du phénomène. Des lunettes avaient été distribuées. Une équipe constituée d'enseignants et d'élèves volontaires a tenu dans la cour des ateliers culturels, artistiques, mais aussi des animations scientifiques. Julien Corré est professeur de physique en classe préparatoire. Il a montré aux jeunes comment on pouvait regarder l'éclipse indirectement, en toute sécurité, grâce au sténopé. Le sténopé, c'est l'action de faire un petit trou dans une feuille et de récupérer sur un écran derrière l'image de l'objet observé. C'est le principe de la chambre noire. Les premiers appareils photo étaient conçus comme ceci. Sauf qu'à la place de l'écran, on mettait un papier photosensible qui permettait d'imprimer un paysage. Certains artistes peintres utilisaient ce procédé aussi pour dessiner leurs peintures. Le trou, il peut être carré, triangulaire. Il faut juste qu'il soit petit. L'image devient très nette et on peut faire des choses intéressantes à partir de là. J'ai la chance d'avoir des élèves qui sont en classe préparatoire, qui ont choisi en fait les matières scientifiques. Et donc, c'est vraiment l'application directe de ce qu'on peut voir en cours. On avait juste une crainte, c'était qu'il fasse pas beau. C'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Et des élèves qui sont d'autant plus passionnés et qui participent en plus, qui sont investis. Julien Corré, professeur de physique en classe préparatoire au lycée Lecomte de Lille, interrogé par Mélodie Nourry. À Mayotte, l'éclipse annulaire a été suivie de près également. Même si les moyens n'étaient pas les mêmes que ceux déployés à la Réunion, des lunettes de protection ont été distribuées. Mais il y en avait 32 000, soit une paire pour deux ou trois élèves. Les élèves du lycée Younousama Bamana à Mamoudzou ont bien écouté les consignes, leurs lunettes sur le nez. Ils ont contemplé l'éclipse en toute sécurité. J'ai peur que mes yeux ne fonctionnent plus. Je ne suis pas sûr même avec les lunettes. J'ai regardé un petit peu. Même maintenant, j'ai peur. Hein. J'ai peur de ce qui va se passer. Pardon. Du coup, je suis en stress et j'attends de voir. Parce que c'est la première fois que je vois un éclipse. C'est exceptionnel. Voilà. La lune cache le soleil. Ça m'a plu parce que le soleil, on dirait qu'il est devenu comme la lune, mais en orange. Ça me plaît, c'est beau parce que c'est la première fois que je vois ça et je pense pas le revoir plus rapidement. En tout cas, ça me plaît. C'est un phénomène que je n'ai jamais vu et si on ne m'avait pas expliqué le fonctionnement, moi j'ai cru voir la lune, mais en fait non. La lune, c'était la partie noire qui commençait à recouvrir le soleil. Ça fait bizarre. C'est quoi le collège ? C'était l'ambiance de cette éclipse au lycée Younousa Bamana. À Mayotte, non mais quand même, Cécile Thomas. Des propos recueillis par Frati Youssouf de Mayotte Première. Et à Saint-Benoît, la mairie avait organisé une manifestation à Bon Enfant avec distribution de lunettes, atelier des petits débrouillards et explication du phénomène par un élu, Henri Chantef, ancien professeur de sciences. La météo a été plutôt capricieuse, un ciel bleu et grand soleil le matin et puis nuages parfois bien épais au moment de l'éclipse. Mais cela n'a pas découragé les personnes réunies pour l'observation. On voit bien le mangement, comme dirait mon ami chanteur là. Sans le rayonnement le puissant aussi. Hein. C'est excellent ce que nous voit. Il chauffe un peu aussi. Là. Oui, le rayonnement est très fort. Vous mettez mes lunettes, il n'y a pas de lunettes là. Les cornets risquent de griller parce qu'elle est puissante. Ah, y arrive, voilà là. Attention. Allez. Ouais, génial, super. Ah, la mienne appréciée, franchement. Au thème, il n'est pas possible, mais franchement, les deux courtes durées. Les deux côtes durées, les gens ne rendent pas compte la chance qu'ils ont d'en avoir de voir l'éclipse de l'autre côté. Mais nous ne voyons même pas 30, les 30 secondes. Encore, mais compte jusqu'à 5, quoi, puis rien. C'est magnifique, quoi. J'ai eu la chance de voir un petit bout. C'est inoubliable. C'est quelque chose de rare, quoi. Vu le nombre d'années, vu mon âge aussi, ben, je suis fière de voir un truc que je n'ai pas vu pendant toute mon enfance. Et au moins, si je ferme mes yeux, j'ai vu quelque chose. Allez, 5 secondes, c'était le maximum, c'est vrai. Hein. Des propos recueillis par Johanna Damadorassi. Dernier rendez-vous à noter, hein. Dès midi 15 ce vendredi, notre magazine En Coulisses revient sur l'éclipse annulaire du soleil en 40 minutes. Vous pourrez revivre l'événement, c'est un reportage de Loïs Mussard. Vous l'avez vu, vous, Cécile, l'éclipse ? Alors, je l'ai vu à Saint-Benoît, comme les petites dames qu'on vient d'entendre. 5 secondes. Ah, mais on a savouré. Hein. Voilà, on a vous savouré avez vécu le moment avec les nuages. C'est très chouette, mais intense. Bref, mais intense, c'est ça, Isabelle. Merci, Cécile. Bonne journée. Mickaël, sous les averses dans l'Est. Ah oui, bah une fois n'est pas si, coutume. Cécile. Il pleut dans l'Est, ma fille. ça continue. Alors, est-ce qu'il pleut à Salazy? Oui, il pleut à Salazy. Merci Cécile. Voilà Cécile, bonne journée. Il pleut à Saint-Benoît, à Sainte-Rose, ainsi qu'à Saint-Philippe. Enfin, bref, il pleut sur toute la moitié est. C'est vrai que ça s'est un peu estompé là sur le chef-lieu. Mais entre Saint-Denis et Saint-Philippe, en passant par Sainte-Rose, c'est la soupe à la grimace, je vous le disais. Alors que de l'autre côté, dans l'ouest, c'est quand même plus dégagé. Cet après-midi, ciel nuageux entre Saint-Paul et Saint-Leu sur les hauteurs. Ça va déborder sur le littoral. Mais on va dire que sur l'ouest et le sud, on va garder quand même une impression de beau temps. Alors qu'à l'est, on aura beaucoup de mal à se débarrasser des nuages. Le vent va souffler, ce qui va permettre aux nuages de laisser place au ciel bleu sur Saint-Denis par moment. 60-70 km/h, tout comme d'ailleurs sur Saint-Pierre, ce vent soufflera. Température de 22 à 25 sur le littoral, 12 à 21 dans l'intérieur de l'île, 21 au tampon par exemple. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Attention, il y a eu un accident sur le pont de la rivière Saint-Étienne, Yves. L'événement a été terminé pour le véhicule qui a été dépanné, donc le véhicule avec son pneu éclaté en voie de gauche au niveau des sables. Et bien voilà, donc au même moment quasiment, un accident entre deux voitures s'est produit sur le pont d'arrière Saint-Étienne en direction de Saint-Pierre. Bouchon qui est en train de se propager, et donc au-delà de l'échangeur de Bel Air, donc en provenance du Gol, attention, ça va sans doute impacter ce secteur très rapidement si vous circulez de l'étang Salé vers Saint-Pierre. Les véhicules donc étant immobilisés sur la voie de gauche, je rappelle, donc pont de la Vers Saint-Étienne en direction de Saint-Pierre. Voilà, circulation plutôt correcte pour la partie ouest, hein, même si encore un peu de monde sur le littoral en bas et vers Grandfond, parce qu'on est en plein nord de pointe. Ça coince toujours alors sous la tranchée couverte de Saint-Paul en route du viaduc. L'entrée ouest, ça se libère doucement. On s'est rapproché des Potences, 1 km avant les Potences. Le pont Vinsane par contre reste encore encombré avec un peu de monde sur la montée de U2. Circulation qui se fait sous la tranchée couverte côté montagne, bien chargée. Attention, ici je me trouve au niveau de la rue de la mairie, c'est-à-dire la sortie de la Trinité pour retrouver le boulevard sud. C'est un feu clignotant, un feu tricolore normal, qui doit fonctionner normalement, mais là il est encore au clignotant et ça arrive chaque week-end. Des soucis de personnes qui viennent donner des coups de pied dans les armoires, semble-t-il. Voilà, donc on va surveiller ça. Toujours des types que les services techniques ont été appelés pour remettre en fonction ce feu le plus rapidement possible. Voilà, l'entrée est toujours bien pleine et donc chaussée mouillée. Attention, en abordant Saint-Denis, c'est très rempli en provenance de l'est. Toujours depuis Sainte-Marie jusqu'à Saint-Denis. Bonne route et prudence dans le sud. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Non, et prudence si vous êtes sur les routes en ce moment, et si vous êtes sur la route, pourquoi pas avec votre thermos ou votre pain au chocolat, n'oubliez pas de poster une petite photo de petit déjeuner, parce que là il reste 10 minutes à peine. Ah oui, 10 minutes à peine, mais si vous êtes en voiture, vous arrêtez pour prendre votre photo, attention, forcément. Hein, vous savez. Ou vous faites la photo avec votre voisin. Ah oui, on se dépêche et ensuite on fait le tirage au sort. Les places de ciné et le grand gagnant pour la croisière en catamaran, on saura enfin aujourd'hui qui va faire sa croisière de 3 heures avec la personne de son choix. Qui ira sur le catamaran Catapassion et croisière et découverte, on le saura dans une poignée de minutes. Continuez de poster sur la page Grand Matin et puis surtout likez. Oui. Mettez des petits j'aime parce qu'on est de plus en plus nombreux chaque matin. Ça nous fait plaisir d'être là avec vous jusqu'à 8h. Retour de Jackie. Juste après, avant 8h, le zapping aussi. Oui, OT. Le zapping. Oui. Un grand moment, ce zapping. Blackman Carcass, sans s'en moins. Donne-moi la main s'il te plaît, viens avec moi. Fais à moi confiance et nous t'es valu loin. Où les mots limiers sans oubli ou rien. Oh baby, te faire comprendre que t'es ma moitié. Rien que pour toi je serai capable de franchir l'océan tout entier et de traverser des montagnes. Gardien au son noir. Man Carcass, on sent moins sur Première dans Grand Matin. Vous savez ce que c'est un spyware? Vous non. À la maison, toi tu sais Isa. C'est comme une maladie ça. Comme un truc de bouton. Ouais, c'est une maladie pour les ordinateurs. C'est un spyware là. C'est un logiciel espion, un mouchard. Ah ouais, d'accord. On en parle dans Connect Première dans un instant, restez là. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi Égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif, vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle? Quelles actions peuvent y contribuer? Quelles sont vos idées? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. Hey, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle? Comment ça fait là? Inquiète pas, chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, il est bon pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde, papa, sur notre calendrier de ramassage, on en a toutes les informations. Il n'est pas compliqué. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Première. Et un logiciel malveillant menace vos smartphones, le vôtre là à la maison, le ou dans la voiture, le tien, Isa, le c'est mien. Pas vrai. Il va falloir donc vraiment télécharger avec urgence la mise à jour d'iOS. Sinon vous aurez des problèmes. Écoutez Pascal Réseau, Connect Première. Connect Première. Bonjour, c'est une drôle d'histoire qui est à l'origine de la dernière mise à jour de la version 9 d'iOS, le système d'exploitation pour iPhone et iPad. Tout est parti d'un homme, Ahmed Mansour, un avocat se présentant comme un combattant pour les droits de l'homme de son pays, les Émirats Arabes Unis. Il a reçu plusieurs emails provenant d'une personne inconnue, lui promettant des révélations sur des actes de torture dans le pays s'il cliquait sur ce lien. Alors, qu'auriez-vous fait à sa place ? Eh bien lui, il a contacté Apple, qui a analysé l'email et s'est aperçu qu'il contenait un spyware le plus sophistiqué jamais trouvé. Si l'avocat avait eu la curiosité de cliquer sur le lien de l'email, il aurait permis l'installation d'un logiciel espion qui aurait pu le localiser en permanence, avoir accès à ses conversations sur WhatsApp et Viber. Il aurait été possible d'activer en silence le micro et la caméra à distance pour voir et entendre tout ce qui se passait autour de lui. Selon une branche spécialisée de l'Université de Toronto au Canada qui s'est chargée de l'affaire, il a été possible de remonter à la source du créateur du malware. C'est un groupe de pirates nommé NSO Group, basé en Israël et financé par un fonds américain, le Francisco Partners. Ces pirates fabriquent et vendent ce genre d'outils à toute organisation ou pays qui peut se le payer. Ce logiciel espion super perfectionné et super efficace a sans doute été exploité à leur insu sur d'autres personnalités qui, contrairement à notre avocat, ont cliqué sur le lien de l'email APA qu'on leur avait envoyé. Dirigés vers une photo ou un lien inintéressant, ces personnes sont tout simplement passées à autre chose, mais étaient dès lors écoutées et vues en permanence. Et oui, n'oublions pas qu'un smartphone est potentiellement un sacré outil d'espionnage. La dernière mise à jour 9.3.5 d'iOS résout le problème car le spyware était installé grâce à une faille de sécurité non encore décelée dans le système d'exploitation d'Apple. Cette faille est désormais colmatée. Faites donc la mise à jour si vous avez un iPhone. Belle journée. On va regarder 9.3.5. Tu l'as, Isa, toi ? Non. 9.3.5, mise à jour logicielle. T'as, toi ? Bah oui, je l'ai. Ah bah je vais le faire. Bah tiens. Fais, parce que sinon tu seras écouté et espionné à tout moment de la journée. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. C'est le clou du spectacle. Et le clou, le feu d'artifice, le bouquet final. L'Exclipse. On va vous faire gagner votre croisière pour deux personnes. Mais d'abord, qui est le gagnant du jour ? Eh bien d'abord, les invitations pour aller au cinéma. Elle tombe dans la poche de Lookman. Bravo Lookman. Eh oui, c'est lui qui a posté en premier son petit déjeuner aujourd'hui. Tiens, à voir Jessica Alba, Lookman, voilà. Avec Mr. Jason Statham. Oui, qui joue dans le transporteur et qui est dans le film La Mécanique Résurrection avec Jessica Alba. C'est ça, voilà. On remet le nom de Lookman dans l'urne. Avec tous ceux qui ont participé depuis lundi, qui ont posté leurs photos sur la page Facebook. Pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont jamais écouté Grand Matin, on ne sait jamais, vous arrivez là, vous dites « Mais de quoi il parle ?» Eh bien, on parle du grand défi du petit déjeuner. Oui. Chaque matin, on vous demande de poster des photos de petit-déj comme ça sur cette page Facebook Grand Matin, histoire aussi d'être de plus en plus nombreux dans la communauté. Et à la fin, eh bien, on sélectionne un moon. Et on le gâte. Dans tout ça. Et là, aujourd'hui, cette semaine, on lui offre sa croisière découverte à bord d'un catamaran. Allez, on appelle. Allez. On appelle chez la personne qu'on a sélectionnée à l'instant. Râle sur un papier. C'est parti. Voilà. Ça y est. Phone Main a le nom. Et maintenant, ça doit sonner. On espère que ça va sonner. On espère, imagine. Ouais. Il y a Priscilla qui me dit que Véronique adore l'américain au petit-déj. Allô ? Coucou, allô ? Véronique. Ah ben. Lily. Elle a répondu vite. Bonjour, c'est Isabelle et Mickaël. Bonjour Lily. Oh, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Très très bien. Oh, d'après vous, pourquoi on vous appelle chez vous dans ces EACI ? C'est sûrement parce que j'ai envoyé une photo il y a une semaine. Oui. Alors, il y a une semaine. C'est ça. Alors cette photo était particulière, expliquez-la nous un peu la photo Lily. Alors, écoutez, je vais remonter un petit peu sur l'histoire. Ouais. Je travaille au Mac. Oui. Et tous les matins, il y a un endroit où je capte plus rien. Et là, un matin, je capte votre radio. Ah. Et là, ça me ramène en enfance parce que mon père écoutait tout le temps. Oh. Parfait. Et tous les matins, après tous les jours, j'entends les petits amis et tout. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir. Et donc, je vous écoute parler du petit déjeuner. Oui. Et moi, à ce moment-là, dans les virages, j'ai la montagne, j'ai la mer, j'ai les cannes, j'ai le sourire des gens qui sont en train de couper les cannes en ce moment. Oui, en plus. Et je me dis, bon, malheureusement, je ne peux pas m'arrêter là-haut parce que c'est assez serré. Et une fois arrivé là-haut, je fais, bon, j'ai envoyé ce petit mug parce que je buvais mon café dans la voiture. C'est chouette ça. Je vais vous envoyer les montagnes, le ciel bleu que j'ai là-haut tous les jours. En effet. Parce que c'est magnifique. Et donc, vous aviez un mug et vous avez entouré ce mug d'une petite inscription Grand Matin. Voilà, papier artisanal. Et je pense qu'on va lancer la gamme avec Lily, la gamme des mugs Grand Matin. Voilà. Et Lily, avec une photo à faire dans chaque coin de l'île parce qu'elle est tellement belle, notre île. Et Tu m'étonnes. Ah, bah, vous l'aimez, ça c'est sûr. On l'entend. On l'entend. Lily, eh bien, ça tombe bien. Plus que je vieillis, plus que je tombe amoureuse ça de tombe bien. Et c'est plus et que des vous, gens. Vous parlez, dis ouais, donc, Lily, on peut Lily. Plus en placer une. Ça tombe bien, puisqu'on vous emmène encore à nouveau la voir, cette île, mais cette fois-ci de la mer. Exact. Ouais. On vous offre votre croisière, Lily, pour vous et la personne de votre choix, à bord d'un catamaran. C'est avec Catapassion, et c'est un cadeau rien que pour vous. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai toujours voulu faire ça. Parfait. J'ai jamais eu l'occasion. Et mon anniversaire est dans une semaine. Ça tombe bien. Eh bien, joyeux anniversaire par avance et merci à Croisière et Découverte. Je vous remercie énormément, Grand Matin. Merci Lily. Merci Lily, bisous. Bonne journée, bon week-end. Merci, au revoir. Allez, bye bye. Ah ben, on nous raconte des choses en ce grand matin, oui, hein. Franchement. Le c'est zapping clair. De Réunion 1ère. Le zapping. Oh, écoutez bien, il y a ma chère qui essaie de parler chinois. Il essaye. Au bout d'un moment, faut te toucher. Bon, il lève et dit, ben, regarde en face, il y a une belle fille. Elle dit, oh, dis donc, elle est canon, elle est jolie. Et voilà pour le pied. Aïe. Tout, nous allons continuer à parler de cette éclipse lunaire annulaire. Jean-Claude Machir, en direct du village de l'éclipse, et vous êtes en compagnie, évidemment, de ces touristes chinois. Miao. Miao. Ça va. Miao, dit-on. Bonjour, Laurie. Bonjour. C'est bien miao. C'est bien prononcé. Ouais. D'accord. Ce paquet de nuages, là, quatre coins de notre île. Ouais. Bien. Voilà. Avant d'aller plus loin, j'ai demandé à un artiste de me dire qui est Jim Fortuné pour lui. Le tout en une minute. Alors, la petite interview. Allez, bon, voilà. La paix. Vous avez la grippe ou la gagne l'as? Oui. Vous n'avez pas bien respiré alors? Comment? Vous n'avez pas bien respiré? N'entends pas. Tu n'arrives pas bien à respirer? Oh là là, comment? On ne peut pas tout faire sur la plage. Hein. Il n'y a pas de requin à la plaine des Cafes, il n'y a pas de requin à Sillaos, il n'y a pas de requin à Grand Bassin. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Non mais... Hein? Ben... Oups. C'est mal ça. André, on l'a beaucoup entendu, hein. On l'a beaucoup entendu cette semaine, André. Ça va, Jackie? Salut, Mickaël. Bonjour, Isabelle. Coucou, bonjour Jackie. À toutes et à tous. Nous sommes pris dans la colle, Jacques. Ah bah oui. Jusqu'à 10h, on va parler, enfin jusqu'à 9h ce matin déjà, avec Virginie, qui est avec nous, artisane, dont les spécialités sont les crêpes et les gaufres en salé, en sucré, dans la cuisine, à la maison, dans le bateau, dans le chalet, dans le catamaran. Et puis Radio Ménage, encore des astuces du jour, légendes urbaines, nous parlerons des fées aujourd'hui. Oui, les fées à la plaine des Cafres. Ah bon ? Ah, tu connais pas ? Eh ben, rendez-vous en deuxième heure de la colle, Jacques. Et puis en première merci, heure. Merci, Jackie. On arrange la bouche. Bon week-end, ça te dure, on passe bon bien, viens en forme lundi. Bien sûr, on va faire comme ça. Bon week-end, La Réunion. Bisous, bon week-end, Isa. Retrouve bisous, lundi. À lundi. Allez. Yves, la circulation est compliquée hein, depuis les Sables suite à cet accident tout à l'heure. Oui, sur le pont de la rivière Saint-Etienne, c'est toujours d'actualité. Dégâts matériels, hein, donc camion de remorquage déjà sur place, ça devrait plus trop tarder. Malheureusement, plusieurs kilomètres de bouchons en arrivant des temps salés depuis le secteur des Sables, donc toute la partie du Gol, de Bel Air et l'entrée du pont, puisque c'est à peu près au milieu du pont que s'est produit cette collision entre deux voitures sur la voie de gauche en direction de Saint-Pierre. Ça descend à peu près normalement donc là, du tampon, du tampon vers Saint-Pierre. Hier, donc circulation plutôt correcte. Pour la partie ouest, c'est la bonne nouvelle, c'est redescendu en bas de viaduc. Donc un ralentissement essentiellement au niveau des changeurs de Belmaine et un peu sur la route digue. Route du littoral, pas de changement, vous êtes toujours ralenti avant les potences, avec un pont Vinsane toujours encombré, tranché côté montagne également, et une entrée est difficile, ainsi que le Lancastel, ça y est, comme d'habitude et tous les jours depuis le début de la semaine, de 8h moins le quart, ça commence, donc les difficultés en direction de Sainte-Marie sur quasiment tout le Lancastel. Attention, nous sommes le premier samedi du mois, ça veut dire fermeture du Barachois ce samedi marqué bien sûr par le début des soldes. Mais il y aura du monde en centre-ville, très bonne route, je vous retrouve tout à l'heure, on reparlera bien sûr de ce rallye qui démarre ce soir. Yves Gruyer pour l'information routière, il est 8h. Eh oui, il est 8h, on attend juste Stéphane qui est là. Bah oui, il est là, Stéphane et Lorac. Mettre le jingle. Voilà. Bah nous on revient lundi, hein, dès oui, 5h. D'ici sûr. On va se reposer un peu. C'est bon. Bon week-end La Réunion, Jackie. Voilà. On te laisse la main. Allez, et c'est bon. Parti. Donc le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Enilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Que s'est-il vraiment passé samedi dernier à Boucan-Canot, 5 jours après l'attaque de requins? Les enquêteurs ne savent toujours pas avec certitude comment le squale a pu pénétrer à l'intérieur des filets. Des filets qui vont enfin pouvoir être examinés demain. La mission qui l'attend s'annonce compliquée. Viviane Mallet, adjointe au maire de Saint-Pierre, a été élue hier présidente du centre de gestion des fonctionnaires, un organisme empêtré dans les difficultés financières. Et puis, vous étiez des dizaines de milliers hier, les yeux rivés au ciel pour admirer ce phénomène rare qu'est l'éclipse annulaire du soleil. Et dans les écoles maternelles et primaires, c'était plus compliqué avec les menaces de grève et qui ne se sont finalement pas traduites dans les faits. On ne connaîtra donc pas l'état du filet anti-requin de Boucan avant demain. Certes, l'enquête de gendarmerie est terminée, mais la houle, elle, reste omniprésente. Elle empêche les plongeurs de la société Synergie d'aller filmer l'ouverture du filet côté nord. Simple déchirure ou problème avec la fixation qui relie deux pans de filet, les hypothèses sont multiples. Hubert Debeu. 5 jours après l'attaque de requin à Boucan-Canot, les multiples réunions qui se sont tenues entre les autorités se posent toujours la même question. Que s'est-il passé ? L'enquête de la gendarmerie terminée, la société Synergie va pouvoir envoyer ses plongeurs pour en savoir plus, mais il faut attendre que la mer se